Bonsoir, la sœur Suzanne Clodon. Bonsoir, mon frère. Ça va? Bonsoir, Shalom. Ça va, merci. Mm-hmm. Pour la grâce de Dieu. Voilà, tu es là comme un DJ. Bonsoir de l'autre côté de Bruxelles avec la sœur Anne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Juno. Bonsoir et bien, bon appétit. Je parle à la sœur Anne, tu es la sœur Anne. Laisse-moi dire d'abord bonsoir à la sœur Anne. Bonsoir la sœur. Ça va ma sœur? Le frère Travi, bonsoir. Vous êtes en joie là? Vous êtes en train de manger de la nourriture physique autant convenable? La sœur Ami. Bonsoir frère. Ça va? Ouais, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Aurélie, bonsoir. Aurélie. Bonsoir, ça va? Bonsoir, bon appétit. Vous mangez comme ça, vous ne donnez pas pour Richard. Moi, je n'ai pas à manger. Il y a quoi à manger? Poisson braisé. Ah non, il n'y a pas de problème. La soeur Ami va en manger ici en quantité. Il n'y a pas de problème. On va la faire promener par vous ici. On va la faire promener par vous ici. C'est vrai. Tu connais la rue de la joie. Tu as entendu parler de la rue de la joie. On veut la joie là-bas, quoi. Ok, le frère Yannick vient d'arriver. Il dit qu'il veut saluer la soeur. Frère Yannick vient. Voilà, l'eau va s'y vient. Le frère Yannick vient pour saluer la soeur. Là où le frère là, il joue la vie. Là. Voilà, c'est là où il joue la vie. Oui. Il joue la vie. Oui. Voilà. Oui. Il joue la vie. Ah, c'est le frère Yannick. Bonsoir. Shalom. Shalom, mon frère. Il a expérimenté sa première obscurité. Il a expérimenté sa première obscurité coupée de lumière et plus violente des doigts là. Donc voilà. Et la première obscurité liée au soleil sur mon visage. Bien noir. Visage. Sereine, c'est comment? Ça va, mon frère, et toi? Ça va bien. Bonsoir, les frères et sœurs. La sœur Suzanne Clodon. J'ai expérimenté l'obscurité déjà. Oui, oui. Suzanne Clodon. Bonsoir, la sœur Suzanne. La sœur bien-aimée. La sœur bien-aimée. Que Dieu te bénisse. Ma sœur bien-aimée. Pas la sœur bien-aimée. Shalom, mon frère. Non, pas ta sœur bien-aimée. Ma sœur bien-aimée. C'est ma sœur aussi, non? Ah oui, ma sœur. Le frère Ali Diarra. Bonsoir, le frère Ali Diarra. Il est allongé dans son lit, il nous regarde. Tu es allongé dans ton lit. Sois béni. Sois béni également, frère. Ici, le frère Junior. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ici, il y a le frère Trabi qui vient de manger du poisson. Bonsoir, le frère Trabi. Que Dieu te bénisse. Les frères Pierre et les autres apôtres avaient pêché le poisson, ils le laissaient en bordure des rivières. Lui, il l'a ramassé pour manger ce soir. Bonsoir, frère. Ça connecte. Oui, parce qu'il est en train de bouger. Ah, d'accord. Ça va, le frère Tra? Oui, ça va, mon frère. Nous sommes dans les montées. Oh, oui, montées alors. Donc, je vous laisse dans une ponction musicale le temps que vous vous installez confortablement. A tout à l'heure. D'accord. D'accord. Je suis venu te sauver. Je veux porter tous tes péchés sur moi, sur moi. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne suis plus condamné. Pourtant c'est lui qui accepta la croix pour moi. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, je ne suis plus condamné. Le traitement est beau, parce qu'il savait le châtiment qui retombait sur moi. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, voilà, je crois que là, vous êtes moqué à l'obscurité encore. Et de toute façon, on va quand même travailler. ou mon téléphone. Vous avez la plateau. Bonsoir, Belgique dans la sainteté. Vous m'entendez? Bonsoir. Voilà. Donc, comme malgré qu'il y ait coupé de lumière, on va travailler dans la disponibilité de l'autonomie de l'ordinateur. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les frères Trabi, tu es monté et on peut travailler déjà? Oui, ça va. Mm-hmm. Les autres sont confortablement assis, n'est-ce pas? Oui. Ouvrez donc les saintes écritures. On va travailler. Assez reine, courage, d'accord? On peut y aller. Oui, frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Je crois que la qualité des réseaux sera bonne pour pouvoir travailler. Alors, la sœur Claude, tu peux ouvrir Jean chapitre 6. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Parce que de temps en temps, on affiche sur mon écran qualité des réseaux médiocres. Donc, faites-moi signe de temps en temps pour que je sois sûr que je suis en train de parler à mes frères et à des sœurs. Jean chapitre 6. On va nous lire du verset 16 au verset 25. Nous allons parler après, à l'issue de cela. Je crois que la sœur, la secrétaire reine pourra taper dans le forum. Elle est trop forte. Jean chapitre 6, oui. Verset 16. Oui. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. Je voulais donc vous prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au bord où ils allaient. La poule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et quand Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, et qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Voilà, merci. Relis-nous le verset 24 encore. Amen. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Voilà. Nous allons prendre le sujet donc à la recherche de Jésus. Ou mieux encore, se pose la question, pourquoi est-ce qu'on cherche Jésus? C'est ce que nous allons voir ce soir. Pourquoi au juste, pourquoi est-ce qu'on cherche le Seigneur? Amen. À la recherche de Jésus. Avant le verset 16, nous voyons la population s'est réunie. Et si vous lisez à partir du verset 1, le Seigneur Jésus-Christ, dans ses bordures de Tibériade, va faire asseoir les gens. Et il va demander à Philippe, en disant que où est-ce qu'on va prendre le pain pour le donner à ces gens-là. La Bible déclare que le Seigneur Jésus savait pourquoi il le disait, parce qu'il savait ce qu'il devait faire. André va leur dire qu'il y a ici 5 pains et 2 poissons. Et avec ces 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va prendre cela et multiplier et les donner autant qu'ils en voulaient. Ils vont manger autant qu'ils en voulaient, au point où on va plus tard rassembler plusieurs miettes de ce qui était resté à l'issue de leur nourriture. Et puis maintenant, le Seigneur Jésus va renvoyer la foule, et ça, il était là le soir. Il va renvoyer la foule et ils vont passer de l'autre côté. Et là-bas, au bout de Tibériade, ils vont se rendre compte que Jésus était monté seul sur la montée de l'Esther. Là, c'est le temps de renvoyer la foule. Et là, il n'y avait pas de barque, il n'était pas parti sur la barque. Il est monté au travers de la montagne. La Bible déclare que le lendemain, ils savaient que Jésus n'était pas parti avec ses disciples. Alors, ils ont aussi traversé dans les barques pour aller de l'autre côté là-bas. Étant arrivés là-bas, ils vont trouver le Seigneur Jésus-Christ là-bas. Bon, on raconte l'histoire, ce qui s'est passé avec ses disciples lorsque lui, il a marché sur les eaux. Donc, ces gens, le groupe de personnes, la Bible déclare dans ces gens, chapitre 6, là, qu'ils étaient environ 5000 hommes. Environ 5000 hommes, sans avoir compté les femmes et les enfants. Et donc, ils vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et dire au Seigneur Jésus, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Et ils sont entrés dans les barques. Souvenez-vous, c'est une population, une foule de personnes. Ils entrent dans ces barques-là à la recherche de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, à la recherche de Jésus. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, quand est-ce que tu es venu ici? Maintenant, le verset 26 va nous montrer l'orientation du pourquoi le Seigneur Jésus a de les esquiver. Allons-y, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà, stoppons donc là-bas. Et donc, le Seigneur Jésus va, c'est lui, il est Dieu. Quand vous le regardez très attentivement, lorsque le Seigneur a multiplié le pain, ils ont mangé, la Bible déclare le Seigneur Jésus, sachant qu'il devait venir l'arrêter pour le faire roi, il a décidé de quitter ces lieux-là. Parce que quand ils ont mangé le pain, au lieu de comprendre pourquoi le Seigneur leur donnait du pain, ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Vous voyez au verset 21, si vous lisez le verset 21 là-bas, haut, il dit, c'est celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Parce qu'ils avaient mangé de pain, ils avaient été rassasiés. Jésus va leur dire justement, et ici, le Seigneur Jésus va leur dire, en réalité, vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Donc, ils trouvaient en Jésus quelqu'un qui pouvait satisfaire leur ventre chaque jour. Parce que si Jésus était leur roi, ils n'auraient pas besoin d'aller marcher dans les déserts comme ça chaque fois. Ils n'auraient pas besoin d'aller marcher partout pour chercher la nourriture. Ils auraient tout simplement la nourriture chaque fois pour pouvoir manger. Et donc notre Seigneur Jésus leur dit, il répond, en vérité, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. Donc le miracle, ce miracle avait pour but d'attirer leur attention à un autre niveau. Et si le Seigneur Jésus va ériger le standard à tous les niveaux pour montrer ce qu'il en est, voilà, merci au Seigneur pour la lumière qui est venue, j'espère. Je crois que de temps en temps, ça va aller comme ça et rentrer. Vous y êtes? Le Seigneur Jésus donc va augmenter le niveau de Enfin, il va donner la révélation sur sa venue et le pourquoi il est là et pour le pourquoi désormais les miracles sont faits. Il dit ici aux Juifs, il dit en vérité, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Donc, par cette phrase, il a dit que les miracles sont un signe pour attirer l'attention à un sujet. Il dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain et vous en avez été rassasié. Puis il a dit, travaillez. Il donne un ordre. Et c'est ça, vous allez souligner ce bout de phrase. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 6. N'est-ce pas? Lis-nous ça, ma soeur, le verset 26 et 27. Oui. Oui, alors, travailler, moi, pour la... Allons-y, ma soeur, c'est je pas... Je m'entends raisonner. Oui. Oui, je vais corriger cela. Allons-y. Travailler, non, pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père... que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, merci ma soeur. Donc, vous savez, chaque fois qu'on lit les Saintes Écritures, je veux qu'on aille doucement parce que, souvenez-vous, les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ dit de sa bouche sont esprit et vie. Donc, il peut donner l'orientation là où il y avait des orientations. Il peut donner la révélation là où il y avait des choses cachées. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ veut attirer notre attention ce soir quand c'est question du pourquoi on vient vers lui. N'est-ce pas, la Bible déclare que plusieurs fois, il va faire la reproche à plusieurs villes dans lesquelles avaient eu lieu beaucoup de ces miracles. Il va dire, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit, non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il se serait repenti. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de temps ai-je voulu te rassembler comme une mère pour rassembler ses enfants, mais tu ne l'as pas voulu? Voici tes enfants, ta maison te sera restée déserte et tes enfants iront en captivité. Jésus, notre Seigneur, veut dire tout simplement. Prenons Jean chapitre 12, là, allons-y dans Jean chapitre 12, voyons quelque chose là rapidement. Jean chapitre 12. C'est le livre des Jean, ça, n'est-ce pas? Merci, Père. Oui. Merci, Père. Que Dieu vous bénisse. Bénis dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Gino. Si vous avez les stylos, bientôt, je vais commencer à vous donner les stylos, pas les versets, parce que ça doit devenir la essence, là, venir comme la mamie qui boue. Vous y êtes? Donc, le frère Yannick me transmet de vous dire qu'il est en train de manger d'une dolée, de bonne dolée du Cameroun. Il est touché derrière l'écran. Vous ne pourrez pas le voir. Donc, je crois qu'il va se même donner un bâton pour qu'il vous montre pour la preuve. Voici un bâton là qu'il est en train de détacher. Il a dit que je présente sa partie à la sœur Reine. Voilà, elle va d'une dolée qu'il va vous présenter à la fourchette maintenant. Voilà le dolet qu'il a présenté. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes là. J'ai dit quel livre déjà? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Lisons le verset 34 et suivant. La foule me répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Gardez bien cette afin que vous soyez des enfants de lumière. Gardez bien cela. Gardez ces paroles-là dans votre esprit. Continuons. C'est pas là où on va aller. Gardez cela. Pendant que vous avez la lumière, vous croyez en la lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Voilà. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcé. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Non, c'est bon, ma soeur, c'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez ici, la Bible nous donne le pourquoi des miracles étaient faits au milieu d'eux. Parce que dans Esaïe, il était prophétisé au chapitre 35 que lorsque Dieu lui-même viendra pour sauver, les aveugles devraient voir, les boiteux devaient marcher, les morts devaient ressusciter, ainsi de suite. C'était prévu comme ça. Donc, le temps messianique était prophétisé dans Esaïe, chapitre 35. Et donc, Esaïe avait dit cela, il a donné toutes les facettes de la vie du Messie. Et ici, donc, dans ce verset 36-37, la Bible déclare clairement que malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présent, ils ne croyaient point en lui, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Esaïe, qui a cru en notre prédication. Et la Bible déclare qu'ils ne pouvaient-ils pas croire parce que Esaïe a par ailleurs dit qu'il a fermé leurs yeux et bouclé leurs oreilles afin qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne soient point sauvés. Alors ici, en revenant dans notre texte de base, dans Jean chapitre 6, nous comprenons que Jésus, par les miracles du pain, était en train d'attirer leur attention sur sa personnalité. Et dans la discussion de Jean chapitre 6, ils vont arriver au niveau où, après que le Seigneur leur a dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour ce qui va subsister pour la vie éternelle que le Père vous donnera. » Car celui, le Fils de l'homme, c'est lui qui a été marqué, par, que le Père a marqué, Dieu a marqué de son sceau. À cet instant-là, vont commencer les discussions. Il dit, Moïse nous a donné du pain dans le désert à manger. Selon qu'il est écrit, ils vont citer les Écritures au Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit, il leur donna de la nourriture, du pain pour manger. Et Jésus va leur dire que Moïse, en vérité, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Le Père vous donne le vrai pain qui est descendu du ciel. Puis il va commencer à se présenter comme le pain du ciel, pas le pain de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'a rien à voir avec dans ce chapitre-là. Il n'est pas question de Sainte Seine là-bas. Alors le Seigneur Jésus présent là-bas, c'est présent là-bas comme le pain du ciel, le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde par son sacrifice. Et ici, on commence à se poser des problèmes. Il ne faut pas donc que la bénédiction qui vient du Seigneur soit un pied d'achoppement pour nous. Première leçon. Parce que là, initialement, il a pris le dessus et c'est lui qui a décidé de leur donner la bénédiction du pain parce qu'ils avaient faim. Il pouvait les renvoyer chacun à sa maison. Il a dit, si nous renvoyons ces foules, ils vont manquer de force. Parce que c'est là 3 jours qu'ils suivent, ils n'ont pas mangé. Jésus va le faire asseoir par tas sur les herbes. La Bible déclare. Il y avait au moins 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et nous savons tous que s'il y a les hommes quelque part, les femmes toujours sont en grand nombre, plus que les femmes, plus que les hommes. Et donc, ça veut dire qu'au minimum, il y avait 12 000 personnes là-bas ou 10 000 personnes là-bas. Jésus leur a donné le pain à manger en prenant 5 pains et 2 poissons. Après avoir rendu grâce, il leur a donné autant. La Bible déclare, ils ont pris du poisson autant qu'ils ont voulu. C'est dans Jean chapitre 6, ça se trouve. Et donc, le Seigneur Jésus dit, En vérité, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. Ces paroles, c'est dit, ce signe de multiplication de pain, c'est d'attirer l'attention sur la personne qui se trouve derrière eux. Lorsque vous suivez un prédicateur, vous devez vous poser certaines questions. Quand quelqu'un est poussé par la suggestion du Saint-Esprit, regardez, oubliez ce mot, c'est là l'esprit, par la suggestion du Saint-Esprit, a dit des choses que l'être humain n'est pas censé savoir, vous devez vous poser des questions que qui parle à cet homme? Qui parle à cette personne-ci? Cette personne-ci doit avoir quelque chose avec lequel il se communique. Vous devez poser des questions et faire attention à ce qui est dit. Jésus-Christ était devant eux. Et cette personne-là de Jésus-Christ sera une pierre d'achoppement pour eux. Quand vous allez lire dans la suite de l'histoire, ils vont commencer à dire que tu n'as pas 80 ans, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Alors nous connaissons celui-ci. Quand le Christ viendra, et comme vous avez lu dans Jean chapitre 12, il dit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. Toi, comment dis-tu que tu seras élevé? Vous voyez cela? Ça, c'est ce qu'ils ont appris. Or, le Christ ne peut pas mourir justement parce qu'il est éternel. Mais il fallait qu'il y ait une laps de temps où il devait vaincre les ténèbres. Alors, ils ne comprenaient pas tout cela. Ils vont arriver au niveau où ils vont dire, nous connaissons ses frères. Salomé, José, Jacques, ce sont ses petits frères. Nous les connaissons, son mari, sa maman, c'est Marie, son père, c'est Joseph. Ils connaissaient en réalité ses frères dans la chair, ses demi-frères, mais ils ne connaissaient pas son essence divine. Et donc, à son sujet, les gens se trompaient et par conséquent, il était une pierre d'achoppement pour eux. Jésus voulait attirer l'attention. Il devait se poser la question que non, ce n'est pas normal qu'un être humain puisse faire ce qu'il en est. Mais maintenant, regardez les Samaritains. Si vous lisez Jean chapitre 4, regardez les Samaritains. Les Samaritains n'ont pas vu de miracle. Ils ont entendu la parole. Ils ont seulement entendu une femme dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Les gens sont venus, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont prié que Jésus demeure avec eux. Il a fait 2 jours là-bas, dans ce territoire des Samaritains. Ils ont même voulu retenir Jésus, pas parce qu'ils ont vu des miracles, mais parce qu'ils aimaient la parole que Jésus donnait. Il a dit qu'il faut aussi qu'il parte dans d'autres bourgades parce que c'est pourquoi il a été envoyé. Mais maintenant, regardez bien, ce peuple juif qui connaissait l'authenticité de la loi était aveuglé, mais le peuple qui ne cherchait pas la lumière, il s'est révélé à eux. À la femme samaritaine va leur dire, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, quand il viendra, il nous dira toutes ces choses. Jésus a ouvert la bouche pour lui dire, je le suis, moi qui te parle. Mais aux pharisiens, ceux qui connaissaient la loi, qui lisaient la loi, Jésus va leur dire, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Et après, ils vont dire à Jésus, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Ça ne lui coûtait rien, absolument rien. Vous voyez? Ça ne lui coûtait absolument rien de dire ces choses-là directement que je suis le Christ. Ils attendaient seulement parce que là, ils cherchaient seulement une occasion de chute. pour que Jésus puisse donner la foi, pour qu'il puisse tuer. Et Jésus, notre Seigneur, va leur dire dans Jean chapitre 7, le verset 19, il dit: Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais nul de vous n'observe la loi. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? Il retorque à Jésus: qui veut te faire mourir? N'avons-nous pas droit de dire, n'avons-nous pas eu raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Regardez bien, il parle au Seigneur, du Seigneur, que le Seigneur est possédé. N'est-ce pas terrible d'un peuple qui connaît la loi? C'est terrible. Terrible. Et dans Jean chapitre 5, Jésus va leur donner cette parole, ce qui est fracassante. Si vous lisez Jean chapitre 5, vous revenez dans Jean chapitre 1, le verset 21, vous allez remarquer que les gens, ils avaient envoyé à Jean les pharisiens et les sacrificateurs pour demander à Jean-Baptiste: qui es-tu? Ils sont venus dans Jean chapitre 1, verset 19 et suivant. Ils vont dire: qui es-tu? Dis, que dis-tu de toi-même? Es-tu le Christ? Il a dit: je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Qui es-tu donc? Que dis-tu de toi-même? Afin que nous allions redonner réponse à celui qui nous a envoyé. Ces gens, ceux qui ont envoyé à Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, Jésus va le dire dans Jean chapitre 5, à l'issue de la guérison de cet homme-là qui était allaité depuis près de 108 ans, à qui Jésus-Christ a guéri et dit: prends ton lit et va dans ta maison. Et là, le Seigneur Jésus-Christ dit ces choses-là le jour du sabbat, fait ces choses le jour du sabbat. Les Juifs vont dire, il va dire: le Père agit et jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père a la vie en lui, de même comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils de l'homme d'avoir la vie en lui-même. Et puis là, il va dire: vous ne connaissez pas le Père parce que vous n'avez jamais entendu sa voix. Et Jésus va leur dire: je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Ce sont des déclarations fracassantes dans la Bible pour ceux qui servent Dieu. Ça, ce ne sont pas les gens du bas peuple. Il s'agit des gens qui sont des sacrificateurs, qui conduisent le peuple. Jésus dit: je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Écoutez ça. Dans Jean chapitre 5. Et ça, vous pouvez lire ça au partir du verset 25 et suivant. Et puis ici, dans Jean chapitre 7, verset 19, Jésus leur dit: Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Il dit: et nul de vous n'observe la loi. Et il va conclure le chapitre 5 de Jean à partir de deux derniers versets en disant: ne croyez pas que je vous juge devant le Père. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance qui vous jugera devant le Père. Si vous croyez aux écrits de Moïse, vous croirez aussi en moi parce que Moïse a écrit à mon sujet. Il dit: comment croirez-vous en moi donc si vous ne croyez même pas derrière ses écrits? Donc les écrits parlaient de Jésus. Tout était là, mis dans la Bible. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous posons les questions: pourquoi nous venons au Seigneur? Ces personnes donc, ce groupe de personnes, cette population dirais-je, qui avait mangé le pain du Seigneur Jésus-Christ, vont poser la question à l'issue que le Seigneur Jésus-Christ va leur dire: travailler pour la nourriture qui ne périsse point, mais qui suffit pour la vie éternelle. Ils vont poser la question à Jésus: quel miracle fais-tu afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. N'est-ce pas, mes chers? Dans la suite, dans Jean chapitre 6, allons le voir là-bas. Poursuivons-les. Verset 28 maintenant. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 28, la seule colonne. La sœur amie, pourrais-je te rappeler encore ce soir que le tatami est toujours devant moi? Oui, mon frère. Hey, fermez, on a compris ça. Les glaces dérangent, c'est toujours comme ça que toutes les glaces dérangent. Alors, la sœur Suzanne, lis-nous donc le verset 28 de Jean chapitre 6. On continue, on va suivre la conversation. Oui, désolé, j'avais fermé mon micro. C'est pour ça. Tu t'en es lis pour toi et pour le bébé. Maintenant, lis pour nous, maintenant tous alors. Alors, oui, verset 28. Ah, il lui dit: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Stop. Nos pères ont mangé la... Stop. Ceci n'a pas de sens pour quelqu'un qui a vu un être humain se tenir devant eux avec 5 pains et 2 poissons, rendre grâce, puis les donner. Ils ont mangé, plus de 5000 personnes ont mangé. C'était suffisant comme miracle. C'était suffisant comme miracle. Et là, c'est cette population. Ils ont vu un deuxième miracle du fait que Jésus était dans leur présence. Il s'est éclipsé. Ils ont vu le lendemain. Pourtant, il n'était pas entré dans une barque. Ils ont vu un deuxième miracle. Parce qu'ils ont posé la question qu'ils posent au Seigneur Jésus: Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Veut dire, ce n'est pas normal. Comment tu as fait pour te déplacer de là à ici? sans avoir utilisé les barques comme les autres. Ça, c'est le premier miracle. Le deuxième miracle, après le miracle du pain. Mais ici, il pose encore la question au Seigneur Jésus, quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi? Pas étonnant que l'apôtre Paul dit que les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Ils cherchent les miracles. Dans ce même livre de Jean, si vous lisez au chapitre 12, à partir du verset 20, vous allez remarquer effectivement, si vous prenez dans Jean chapitre 12, à partir du verset 20, vous allez voir les Grecs qui vont venir, parce qu'à ce moment-là, il y avait la fête des Juifs à Jérusalem. Et là, les Grecs sont venus. Je crois que ce serait bien qu'on y aille également avant de revenir ici. On va questionner ces questionnements de ces gens-là qui ont questionné le Seigneur Jésus. Quel miracle fais-tu? Alors, on peut donc implémenter ça dans notre vie. Pourquoi voulons-nous interroger Dieu encore sur ce qu'il a déjà fait pour nous? Dieu a fait beaucoup de miracles pour nous. Mais jusque-là, nous, on interroge si c'est vraiment Dieu. On continue à mettre Dieu à l'épreuve des tissons, comme Gédéon l'a fait. Si c'est vraiment toi, fais encore ceci. Pourtant, un miracle, c'est seulement suffisant. Or, si nous ne croyons pas au miracle du Seigneur Jésus, il se pourrait que les prochains miracles nous endurcissent plutôt. Et remarquez bien ce que ces gens ont eu. Ils ont mangé du pain, ils en ont été rassasiés. Ils ont témoigné comment les disciples passaient au milieu d'eux pour ramasser les miettes. Ils ont vu des paniers à l'issue de 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas la condamnation qu'ils mangeaient sur eux? Alors, et nous autres aujourd'hui, quand nous prenons chaque jour les grâces de Dieu, nous avons la bénédiction du Seigneur. Pourquoi doutons-nous de lui en marchant encore dans d'autres voies? Ici, le Seigneur dit, dans ces gens, il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Voilà ce qu'il en est. Voilà en quoi notre foi consiste. Il faut croire en celui qu'il a envoyé. Parce que Dieu l'a marqué de son sceau. Dieu a témoigné de lui à plusieurs fois. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît à demeurer. Dans votre version, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis il dit, écoutez-le. Écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter. Et aujourd'hui, un être humain dit, Dieu n'existe pas. Parce que s'il avait été là, mon père ne serait pas mort, on ne m'aurait pas arrivé du travail, on ne m'aurait pas violé. Telle chose me serait arrivée. Dieu était où quand on faisait cela? Quand les gens mouraient là-bas, il était où? Si les gens meurent, ça lui fait quoi? Si la terre brûle tout, ça change qu'il soit Dieu. D'abord, il est obligé de vous sauver. Il est obligé de faire le miracle. S'il ne fait pas de miracle, on va l'arrêter. S'il ne sauve pas, on va venir l'enlever du trône. Dieu n'est pas un démocrate. Son trône ne passe pas par l'Assemblée nationale, ni par le Conseil constitutionnel. Non, c'est indiscutable. La Bible déclare que même au jour des déluges, il était sur son trône. Donc pendant que les gens disaient, waouh, je vais noyer, lui-même voyait que Michael regarde cela, celui-là fait essayer de nager comme le poisson. La Bible déclare que l'Éternel était assis sur son trône pendant le déluge. Donc ça se passait devant de lui. Vous pensez que le Dieu qui est saint supporte comment la terre, en voyant la terre qu'il a créée, les âmes? Comme il dit dans Isaïe chapitre 57, il dit quand les âmes qu'il a créées tombent en défaillance, comment l'Éternel ne sera-t-il pas avec l'homme qui a l'esprit et le cœur brisé? Vous voyez cela? Qu'il ne contestera pas à toujours à cause de ça, parce qu'à cause de l'avilité de son âme. Vous voyez? Par la soif et puis cette chose-là qui est dans nous, qui nous pousse toujours vers les choses négatives, Dieu dit qu'il va mettre fin à cela. S'il n'avait pas fait comme ça, dans le livre de Genèse chapitre 6, où en serons-nous aujourd'hui? On serait dans une barbarie extrêmement barbare. Mais il a plu à Dieu de nettoyer ce monde d'alors avec de l'eau. Mais maintenant, ici, il fait la promesse qu'il va brûler avec du feu. Mais au milieu, il fait verser du sang pour purifier la terre en envoyant son fils à la croix. Il dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Là, maintenant, ça devient difficile encore de croire. Alors maintenant, on croit un jour, deuxième jour, on dit que, est-ce que c'est même vrai? Parce qu'on est venu nous tromper avec Yeshua HaMashiach. On est venu nous tromper maintenant qu'il est plutôt noir. Non, ses yeux n'étaient pas plutôt verts, c'était bleu. C'est quel genre de Jésus là? On n'a pas demandé qu'on croie à sa couleur de sa peau. Non. Ni croire à ses yeux. Que ses yeux soient verts, bleus, noirs, comme pour le chat tigre, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que son pied soit rouge, cramoisi, ou bien avec de l'airain, ce n'est pas ça le problème. On n'a pas demandé de croire à ses orteils. Parce que ce n'est pas ses orteils qui font l'œuvre, c'est la personne. Amen. La personne. C'est la personne qui est à l'intérieur faisant l'œuvre. C'est de ça dont il est question. Cette personne-là n'est ni noir, ni blanc, ni vif, ni quoi que ce soit, ni esprit, ni quoi que ce soit. Il est Dieu. Point. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, tous ces concepts dont l'on amène, ça crée problème avec l'avancement. Tous ces concepts. Il n'est pas question de confesser Jésus. Parce que si c'est pour confesser Jésus, ceux-ci confessaient. Si c'est pour croire en Dieu, ils croyaient qu'ils croyaient. Jusqu'à ce que Jésus vient leur dire. Si vous lisez, prenez le temps de lire les Jean chapitre 5. Il dit que je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ce sont des gens qui formaient des gens pour aller former. Ce sont des gens qui servaient au temple. Qui étaient rigoureux au point qu'il était clair, il était prêt à lapider Jésus à cause du fait qu'il ne respectait pas le sabbat. Mais le Dieu Tout-Puissant est là pour leur dire, vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Donc le premier commandement, qui est plus grand que tous les autres commandements, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Eux, ils ne respectaient pas cela. Donc définitivement, ils servaient Dieu sans Dieu. Dieu ne les connaissait pas. La sanction qu'il leur a donnée face à face, c'est la sanction qu'il va les trouver au jour du jugement. Ils seront dans la Géhenne à cause de cela. Vous voyez cela? Ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Jésus, pour nous pose la question ce soir, pourquoi suivons-nous Jésus? Donc les gens suivent Jésus pour le miracle. Il n'y a pas de verset biblique pour dire que si vous suivez Jésus-Christ pour les miracles, c'est mauvais. Que non. C'est ce qu'on en fait. Parce qu'ici, il a de nous enseigner dans Saint-Jean chapitre 6 que les miracles avaient pour but d'attirer l'attention pour des choses meilleures. Quand il dit travailler, écoutez très attentivement maintenant. Quand il dit travailler pour ceux qui ne périssent point, mais pour la vie éternelle, pour la nourriture qui ne périssent pas, mais pour la vie éternelle. Les miracles, nous avons besoin ici sur la terre parce que votre corps a besoin de la santé ici. Mais là, ce que nous avons besoin pour l'éternité, c'est que notre âme soit restaurée. Ça, là-bas, on n'aura pas besoin de guérison. La guérison, c'est ici. Les miracles, c'est ici. Là-bas, on n'a pas besoin de miracles là-bas. C'est pour ça que les dons sont donnés à l'église. L'église fonctionne avec les dons spirituels sur la terre. En haut, on n'aura pas besoin de dons spirituels. Ça va cesser. Vous comprenez cela? Alors là, le Seigneur Jésus dit, il faut qu'on porte le cœur, notre cœur, vers les choses les meilleures. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, si vous lisez le verset 14 et 15, l'apôtre Paul dit que l'amour de Christ nous pousse. L'amour de Christ nous pousse. Et nous supposons que si un seul est mort pour tous, et alors tous sont morts pour celui, et de telle façon que nous devons désormais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça veut dire que l'amour de Dieu nous donne de nous pousser à cette distance-là, à cette direction. Donc, quel qu'en soit les miracles que Christ opère dans notre vie, ce miracle n'a pas pour but de la stagnation. N'a pas pour but qu'on s'accroche là-dessus tout simplement en laissant là-bas. Non. De telle façon que si ces miracles ne se produisent plus par la suite, on rejette Jésus. C'est seulement un signe de l'attention. Regardez Moïse dans le désert. Quand Moïse va sortir après 40 ans, il va faire sa 40e année dans le désert. La Bible déclare Dieu va commencer à brûler dans une flamme de feu là-bas. Je vais souhaiter parler de cette vision là, si c'est maintenant là. Écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare que le prophète s'est tourné pour voir cette grande vision. Vous entendez ce que la Bible dit? Il a dit, il s'est dit en lui-même, il faut que je me tourne pour voir cette grande vision. Quelle est cette grande vision? Ah mon Dieu. Il se tourna pour voir ses grandes visions. Ce n'est pas comme je me tourne comme ça pour me tourner pour voir. Non. Non. Souvenez-vous qu'en quittant l'Égypte pour aller dans le désert, il avait vu Christ. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez qu'en allant, il avait vu Christ crucifié. N'est-ce pas la sœur Claudon? Oui. Sœur Claudon dit oui, puisque tu le dis. Bon, de toute façon, il avait vu Christ. Il avait vu Christ crucifié. Il avait vu. Sinon, il ne voyait pas ça, il ne peut pas quitter. Vous voyez, la Bible déclare dans Amos chapitre 3 que si l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Si le lion rougit, le lion peut-il rougir sans qu'il y ait de la proie? La trompette peut-elle sonner sans qu'il y ait de combat? Moïse ne peut pas aller comme ça dans le livre des prophéties. Il ne peut pas aller comme ça sans qu'il n'y ait pas un déclenchement. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11 qu'il voyait comme celui-là qui voit dans l'invisible. Il a préféré la souffrance de Christ, l'opprobre avec Christ, que un temps de jouissance avec le péché. En Égypte. Donc il a mesuré le prix. Quand il a vu cela, il a vu la gloire en Égypte. Ça lui a été proposé dans la vision. Il a vu la gloire de Christ, il a foncé. Donc il n'a pas juste quitté, comme vous voyez dans vos films égyptiens là, qu'il a commencé à partir comme ça. C'est pas ça. Il a vu une vision. Mais tu vois, même si vous ne comprenez pas, les prophètes comprennent de quoi il est question. Il a vu une vision. Alors cette vision là lui a été proposée quand il était dans Exode au chapitre 3 là. Quand le feu brûlait, ça parlait. La partie prophète, quand ça s'est réveillé, quand il a vu ces choses là, à cet instant là, quelque chose s'est passé. C'était l'attirant. Vous voyez que le feu qui brûle sans consumer était un signe pour se détourner, pour faire le déclenchement. À cet instant-là, il savait qui était là dans le feu. Alors, cette voix lui a dit, ôte ton soulier. Il n'a pas demandé que qui es-tu? J'ai peur. Mais c'est même Satan qui me parle comme nous aujourd'hui, au-delà. Il dit, j'ai vu mon peuple, la souffrance de mon peuple en Égypte, mais je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez ça, frère? Les Juifs, dès le départ, opère dans le miracle. Si je vais vers eux, comment je vais savoir que c'est eux? Il dit, ok, fais-le là, si, mets ta main dans la poitrine. Il sort de la lèpre. Il dit, hey, qu'est-ce qui arrive à ma main? Il remet encore, il voit, c'est tout neuf. Il dit, fais-le ce signe-là, parce qu'il veut le miracle. Tu es prophète, va chez les Juifs. Même si tu dis que l'Antichrist est Seigneur, t'attends seulement dans le miracle. Et Jésus leur a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevrez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus donc a prophétisé qu'ils vont recevoir l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne vient pas au nom de quelqu'un. Il va s'asseoir dans le temple, c'est faisant lui-même appeler Dieu. Et Jésus n'est pas venu comme ça. Il est venu au nom de son Père, parce qu'il est venu pour faire connaître le Père. Révéler qui est le Dieu qu'il sert depuis. Marchant dans la chair parmi eux, Emmanuel. Vous me suivez? Donc, en somme, les miracles ne sont pas mauvais. Dieu ne fait pas de miracles tout simplement pour faire des miracles. Chaque fois que les miracles seront faits, ce sera fait pour attirer l'attention. Dieu va faire croire certaines personnes dans la Bible sans que le miracle ne soit opéré sur leur propre vie, mais parce qu'ils ont été témoins. Ils ont été face à face avec le miracle opéré par Dieu. Vous voyez cela? À d'autres même, ils ont fait des miracles. Les gens ont vu de leurs propres yeux. Dans Jean chapitre 11, par exemple, en l'occurrence, ils ont vu en témoignage comment Lazare était malade. Ils ont vu Lazare mort. Ils ont vu Lazare. Des gens ont embaumé Lazare, l'emballé avec la bande, déposé. Ils étaient dans la maison de deuil. Quatrième jour, Lazare sentait. Jésus est venu se tenir. Il avait dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Frère, il devait se poser la question que cet homme, ce n'est pas normal. Il a dit, il est là-bas. Sa propre soeur a dit, il sent déjà. Ça veut dire, laisse-le tranquille dans là-bas, qu'il pourrisse. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette parole douce, puissante. Et le Créateur s'est tenu là. Il a dit, ouvrez la pierre. Il a ouvert cette voie de la création. Il a dit, Lazare, sors. La Bible déclare le mort sorti avec les bandes. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, il s'agit de son ami. Mais il dit, laissez-le aller. Plusieurs de ceux qui étaient venus au deuil crurent, dit la Bible dans Jean chapitre 11. Mais la Bible déclare cependant, ou bien, mais quelques-uns sont plutôt allés voir les pharisiens. C'est les gens qui aiment la cooptation humaine. Des agents de renseignement spirituel. Pour dire que telle soeur est allée dans telle assemblée, la soeur qui est ici est dans telle autre assemblée. Vous savez, il y a des gens qui écoutent les enseignements de Frère Junior sur Bamba Iba, mais n'osent pas dire, déclarer. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il ne rien avec ces garçons qui prêchent sur le serpent, que le serpent a couché avec Ève. Mais il a quand même couché. Vous voyez cela? Il a quand même couché. D'autres téléchassent, la mettent dans l'ordinateur. Il ne veut pas faire que les autres personnes. Les pasteurs m'écoutent. D'autres écoutent. Mais n'ont pas le choix. Ils me fuient s'ils me rencontreront en haut. Ils me fuient, ils me rencontreront en haut. À coup sûr. Et donc, ces gens des agents de renseignement spirituels sont venus voir les grands de ce monde-ci, des religieux. Ils ont dit que vous n'y voyez rien. Il a encore fait un autre miracle et tout le monde va à lui. Donc, vous voyez qu'à l'issue de ce miracle, une foule s'est séparée. Les gens ont vu ce qu'il était là. Ils ont cru, mais l'autre n'a pas cru. Donc, si vous n'êtes pas destiné à croire, franchement, vous n'allez pas croire. Remarquez que Jésus, après que Lazare est ressuscité, il ne s'est pas tourné pour dire que, est-ce que vous croyez maintenant à moi? Il va seulement et le miracle fait son effet dans le cœur. C'est parce que vous saisissez. Il ne force point quelqu'un à croire. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3 et 4, il a dit pour ceux qui sont de l'église de Sardes, il dit que parmi vous là-bas à Sardes, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront à côté de moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça, c'est à l'église de Sardes. Donc, il y a des gens qui vont marcher sur la terre. Ils vont marcher toujours avec le Seigneur Jésus. Qui est miracle ou qui n'est pas miracle. À l'église de Philadelphie, la Bible déclare qu'ils n'avaient pas de puissance, mais ils ont gardé la parole du Seigneur. Ils ont gardé son nom. Et Jésus a dit, je veux vous garder au moment de la tentation qui viendra sur la terre. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire quoi? Jésus veut que nous venions à lui, que nous le cherchions pour lui, pour ce qu'il est. Il est notre amour. Il est l'expression de l'amour du Père. Il est notre lumière, notre secours, notre rédempteur. Celui qui n'avait pas besoin de venir sur la terre pour nous sauver, mais qui est quand même venu parce qu'il était notre proche parent, notre frère, le premier-né, le premier qui nous aime et qui va nous présenter au milieu de l'assemblée comme ses propres frères. C'est de lui dont il est question. Alors il pose la question ce soir, pourquoi est-ce qu'on le cherche? Pourquoi est-ce qu'on le cherche? Matthieu chapitre 9, versets 18 et 19. Vous entendez des gens aller de lieu en lieu. Oh, je cherche des miracles, je cherche des miracles. Attention à la séduction par des miracles. Attention à la séduction par des miracles. Identifiez les miracles du Seigneur Jésus. Et quand vous avez les miracles du Seigneur Jésus, rendez grâce à Dieu, croyez en lui et avancez dans votre foi. Allons-y, versets 18 et 19. De Matthieu chapitre 9, qu'est-ce que ça dit? Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Oui. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Continuons. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha pas derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Stop. Jésus se retourna. Stop. Donc, vous voyez le pourquoi cette femme s'est allée derrière le Seigneur, n'est-ce pas? Elle ne partait pas pour demander pardon pour ses péchés, jamais. Elle ne venait pas pour chercher ce qu'elle va manger le soir, que non. Ici, elle avait un problème. Si vous avez un problème, c'est légitime d'aller vers Jésus. Parce que les problèmes, souvenez-vous, même les faiblesses doivent nous conduire à Christ. Tous les problèmes qui sont destinés dans nos vies sont destinés à se soumettre, à ce qu'on les soumette entre les mains du Seigneur. Mais là n'est pas la fin de la foi. Ce n'est que le commencement de l'étincelle de la marche dans la foi en Christ Jésus. Donc le plus grave, ce sera d'avoir obtenu ces choses-là et de régner par la suite. C'est la chose la plus terrible. C'est ça. Mais combien de fois avons eu des grâces du Seigneur et plus tard, régner ce même Seigneur par nos œuvres, par nos façons de vivre. Cette femme-ci se disait en elle-même, c'est pour cela que je voulais qu'on aille dans ce verset-là jusqu'à ce point-là. Il y avait la foule. Vous voyez qu'il y avait la foule qui suivait Jésus. La foule qui marchait avec Jésus. D'autres le pressaient au point où il n'avait pas de commun pour traverser. Mais cette femme était dans la foule. Chacun était là pour ses histoires. Mais cette femme a dit, si je puisse toucher seulement son bord de son vêtement. Donc les gens ne le touchaient pas pour, de la même façon. Celle-ci touchait pour un but bien précis. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, vous allez remarquer une autre femme qui va venir là-bas. Oh, il va marcher devant, elle va marcher derrière Jésus. Marcher derrière Jésus, crier, crier. La Bible déclare que c'était une femme syro-phénicienne. Elle criait derrière Jésus pour dire, ma fille est possédée. La Bible déclare, Jésus ne lui répondait pas un seul mot. Les disciples sont venus devant Jésus, ils étaient étonnés que celui qui est compatissant, miséricordieux, amour, n'ose pas suivre les injonctions d'une femme en détresse. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis et garder des enfants d'Israël, ou mieux, il n'est pas bon de prendre des pains des enfants pour donner aux chiens. Vous voyez cela? Quand elle a dit cela, la femme a rétorqué au Seigneur jusqu'à, mais les chiens peuvent manger quand même des petits miens qui tombent de la table des enfants. La brebis déclare, il a dit que femme, ta foi est grande. Vous voyez la définition de la foi selon Jésus. Il dit, à cause de tes paroles, vois maintenant ta fille est guérie. On dit à l'heure même, on ne nous dit pas où sa fille était située, elle était possédée, tourmentée par les démons. Le démon est sorti de sa fille sans qu'il ne dise sort. Donc Jésus veut, il guérit. Il ne veut pas, il ne guérit pas. Mais là encore n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est que cette femme-ci savait que c'est seulement Jésus qui pouvait résoudre le problème de sa fille. Jésus avançait malgré comme il se taisait, elle était seulement derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez maintenant le contre-exemple de ceci dans Matthieu, dans Luc chapitre 17. Ces gens, la Bible déclare, parlant des 10 lépreux, les 10 ont été guéris. Jésus leur a dit, allez vous laver au réservoir des cieux et allez vous présenter chez le sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, la Bible déclare, ils furent tous guéris, tous sans exception. Ils ont vu que ce n'est pas normal. C'est ça qu'il vous dit, si le Seigneur fait une œuvre dans vos vies, méditez-y. Ces 10 personnes devraient s'arrêter pour voir que cette personne, ce qui nous a envoyé, n'est pas normal. Ce n'est pas une personne conventionnelle. La Bible déclare que seul un Samaritain est retourné vers Jésus. Et quand il a regardé que son corps est devenu 5 ans pour un bébé, il a dit, ce n'est pas normal, cet être-ci doit être un être surnaturel. Il est redescendu sur ses pas, venu vers Jésus. Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Il n'a pas besoin de renseignements de ce qui s'est passé là-bas, il sait ce qui devrait arriver. Ne s'est-il trouvé que ce seul étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Remarquez très attentivement que cet homme-là pouvait rester de ce côté-là, dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais Dieu était présent, et c'est lui qui les avait envoyés. Il devait venir vers Dieu pour lui dire, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Il est venu se prosterner devant le Seigneur. Vous voyez, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. À lui, il a été guéri, puis sauvé. Il a eu la chose temporaire, puis la chose éternelle. Les autres ont eu les choses temporaires sans avoir la chose éternelle. Donc les miracles qui sont pour des temps temporels, pour des choses temporaires, doivent nous conduire à nous accrocher sur les choses spirituelles, donc éternelles. Donc les miracles sont des portes d'entrée pour nous accrocher sur des choses éternelles. C'est ainsi dit la parole. Amen. Il va rencontrer un de ces jours ici, Bartimée, pendant qu'il a passé devant eux, Bartimée, alors que sa présence balait cette rue-là. Il y avait les aveugles là-bas, y compris Bartimée. Bartimée, le fils de Timée, qui sera là. La Bible déclare que non seulement il était aveugle, il était pauvre, il était mendiant. Trois attributs qui vont souiller toute cette famille-là. Quand on dit, tu es de la famille de Timée, on dit, oui, voilà son grand frère, qui est en train de faire la mendicité. Il est de la famille de Timée, Bartimée, fils de Timée. Donc il était célèbre à cause de la mendicité. Il a mis le propre sur cette famille-là. Jésus passait par là un jour. Souvenez-vous, frère, ceci. La Bible déclare, quand il a entendu le bruit passer par là, il a attrapé quelqu'un, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? On a dit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. À cet instant, il était déterminé à en découdre. La Bible déclare, il a commencé, Jésus, fils de David. On lui a dit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Il dit, Jésus, fils de David. Ah, mon Dieu, la parole. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait. Les gens ont dit, mon cher ami, il n'est pas fait pour les mendiants comme toi. Tais-toi! On dit, plus on disait tais-toi, il criait encore davantage fort. Parce que si personne ne doit vous empêcher d'aller à Jésus, mon cher frère, personne ne doit, parce que si Jésus n'avait pas intervenu, c'est que c'est sa propre grande soeur qui criait que si Jésus était là, c'est que son frère ne serait pas mort. C'est lui qui devait faire, c'est elle qui devait faire qu'on laisse de Lazare dans le tombeau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne permettez pas que quelqu'un soit entre vous et Jésus quand vous voulez foncer vers lui pour réclamer quoi que ce soit. Et donc, ne permettez pas que votre vie spirituelle dépende d'un être humain sur la terre. Dépendez totalement et absolument du Seigneur Jésus. Parce que quelqu'un que vous aimez peut être un obstacle de votre foi. Regardez Marthe, regardez Marie. Oh Seigneur, si tu étais ici, ton ami que tu aimes beaucoup ne serait pas mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Oui, je crois que quand tu vas venir dans la résurrection des morts, il va, Lazare va ressusciter. Lui, voici Lazare ici, qu'est-ce qui l'empêche donc de le ressusciter? Ou l'avoir enterré, enlever le caillou. Non, Seigneur, si on enlève le caillou, Lazare, là, ton ami, sang, laisse-le tranquille là-bas. Vous entendez ça? Un obstacle. La personne qui plaidait en sa faveur que si tu eusses été ici, il ne serait pas mort, était maintenant un obstacle pour sa délivrance. Et j'imagine si Lazare sort maintenant, lui dit que est-ce que tu sais que ta sœur ne voulait pas qu'on te ressuscite? Tu vas dire que toi, encore. Alléluia. Alors, les miracles dans nos vies, les signes que le Seigneur fait dans notre vie. Souvenez-vous que les miracles sont niveau par niveau, d'intensité en intensité. Il y a des petites choses que le Seigneur fait dans vos vies, vous savez que ce sont des miracles du Seigneur. Ces choses-là, vous devez l'utiliser pour l'apprécier et avancer davantage de lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Bâtiment a crié. Les disciples ont dit, oh, tais-toi. Vous savez, tais-toi. Parce qu'on pense que non, ce n'est pas pour les mendiants comme ça. Jésus n'est pas venu pour les gens comme ça. Non. Jésus peut traverser tout un territoire pour venir vers quelqu'un qui fait de la mendicité comme Bâtiment. C'est pour lui qui passait par là-bas. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ s'est arrêté. Puis il a dit, appelez-le. Ces mêmes personnes qui disaient, tais-toi, sont venues vers lui. Il dit, prends courage, le maître t'appelle. Vous voyez? Mais pourquoi vous riez? C'est parce qu'il écrit. Ils ont changé de langage. C'est ça qui nous perd. C'est hypocrite. Ouais. Non, c'est pas hypocrite. Ce n'est pas que les gens sont hypocrites. C'est la nature de l'être humain. C'est ça. Si vous êtes dans le bateau avec votre mari, on dit qu'il faut qu'une personne reste dans le bateau pour que le bateau reste. On doit jeter quelqu'un dans la mer. Vous accepterez qu'on gêne votre femme ou bien vous allez vous jeter? Vous devez vous poser la question. Hein, frère Trabi, tu vas laisser qui? Personne. Ah, donc tu dis tout le monde coule mieux, tout le monde coule quoi? Oui. Mais on dit qu'il faut qu'une personne soit hors du bateau pour que tout le monde soit sauvé. Mais le prophète Jonas l'a fait. La mer secouée, ça l'a réclamé. On est venu le trouver, on dit, dis-nous qui es-tu, de quel peuple tu es, quel Dieu tu sers. Il a dit que je fuis le Dieu des cieux. Je suis hébreu. Je fuis le Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. On est dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que c'est à cause de moi. Il dit, hey, à cause de toi, humain. Dis-nous ce qu'il faut faire pour que la mer se calme. Il a dit, prenez-moi, jetez là-dedans. N'est-ce pas, frère? C'est ça. Uh-huh, mais toi, tu as dit tout à l'heure que non, tout le monde mieux, tout le monde périt, quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Bâtiment, la Bible déclare, ils sont venus vers Jésus, vers Bâtiment, ils ont dit, courage, prends courage, le maître t'appelle, il t'appelle. Il est venu vers Jésus. Tout le monde était là positionné. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il pouvait demander des comptes en banque. Là, la question lui était posée. Il pouvait dire, je veux, vous savez, comme les hommes sont trop forts, je veux voir, avoir une grande maison en banque, devenir même roi ici, pour que Hérode me sente, il va me sentir tout le mépris qu'il m'a fait. Il a demandé seulement ce qui lui était nécessaire. Il a dit que je voie. Et Jésus a dit que ça soit fait selon ta foi. Frère, il a commencé à voir. Mais maintenant, après sa guérison, maintenant, il devait se trouver dans une difficulté. La difficulté maintenant, c'est que désormais, il ne peut plus être mendiant parce qu'il voit. Il faut que de ses propres yeux, il puisse voir maintenant pour travailler. Voilà là où son problème de la vie commence. Pourtant, c'était facile pour lui. Vous savez, quand j'étais au Nigeria, j'avais vu une série à Lagos de personnes. Le grand matin, dès très tôt, ils sortent et se positionnent là-bas avec les assiettes partout. Là-bas, on les appelle les mendiants. J'ai posé la question aux gens qui sont au Nigeria. Je dis, mais tellement de mendiants comme ça sur cette rue-ci. Vous savez, au marché de Kedja là-bas. Et puis, on me dit, non, ils sont là-bas. Ils aiment là, ces zones-là. Chaque matin, vous voyez les gens qui viennent se balayer là. Ils s'asseyent là-bas. Dès 5 heures, ils sont là très tôt au matinal pour attendre les passants. Tatinara. Ils font les assiettes comme ça. Mais j'ai demandé, mais pourquoi le ministère des Affaires sociales ne s'occupe pas d'eux? On a dit, non, on a construit un centre pour eux. On les a stockés là-bas, on nous apprend le petit métier. On dit non, non, pour faire un petit métier, vendre un pain, le temps de coudre, le temps de vendre, c'est difficile. Donc quand ils sont en route, c'est direct, c'est tic et tac. Il tend là, c'est on met l'argent, il a les bénéfices. Il n'a pas de temps à perdre. Donc maintenant, quand Batimé était non seulement restauré, il avait des difficultés maintenant. Sa propre difficulté maintenant, ce sera maintenant de marcher dans la sainteté, marcher dans l'honnêteté. Il ne peut plus fermer ses yeux en disant que je ne vois pas. Tout le monde sait qu'il voit maintenant. Tout le monde sait qu'il voit. Vous voyez, un miracle s'était produit. Mais là, c'est encore la tension. Pourquoi? Parce que cette personne devrait être là parce que les miracles étaient nécessaires pour le ministère du Seigneur Jésus. Il devait montrer comme. Et parce qu'il a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Vous voyez, il y a les œuvres grandes que Dieu, le Père va me donner de faire afin que vous soyez dans l'étonnement. Frère, les miracles ne sont pas faits pour notre stagnation dans la foi, mais pour notre évaluation et élévation dans le monde spirituel vers Jésus. Nous ne devons pas, les miracles ne doivent pas être des obstacles pour nous. Prenons garde donc que les miracles ne nous endurcissent pas. Prenons garde aussi de traiter les miracles qui viennent de Dieu, de faux miracles. Prenons garde de prendre des faux miracles qui ne viennent pas de Dieu, des miracles du Saint-Esprit. On a des problèmes. On a des problèmes. On a effectivement des problèmes. Alors la question c'est, pourquoi suivons-nous donc vraiment Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Dans Jean chapitre 12, dans le verset 20, la Bible déclare que les Juifs, les pharisiens, les Grecs qui étaient venus au temple, quoi, monter à Jérusalem pour la fête, ont demandé à Philippe pour dire, nous voulons voir le Seigneur, nous voulons le voir. Pourquoi les Grecs voulaient le voir? Ils ne le cherchaient pas pour le miracle, non. Parce qu'ils entendaient les paroles qui sortaient de sa bouche. Un de ces jours, on a envoyé les gens aller arrêter Jésus, si vous lisez dans Jean chapitre 7 et aussi. On va aller leur arrêter, les Égyptiens vont arriver là-bas, ça sort là-bas. Ils ont eu la malchance de prendre la mauvaise décision d'écouter la prédication d'abord avant d'aller arrêter. Jésus a commencé à parler. Chacun a tourné sa tête comme ça, il est rentré, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, les pharisiens ont dit que, mais ils vous ont aussi séduit, ou c'est quoi? Les paroles qu'il dit sont esprit et vie. Tout cœur qui sont disposés, reçoivent les paroles du Seigneur Jésus-Christ, croient en elles. Vous avez la vie éternelle aussi simple que possible, dit la Bible. C'est-à-dire, vous croyez à ce que vous lisez là-bas, vous avez la vie éternelle. Vous croyez. C'est aussi simple que possible. Ne permettez pas que quelqu'un vous déjoue de là. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, si vous lisez les Écritures, vous allez trouver Jésus dedans. Amen. Et donc, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sur la bonne fondation, vous êtes sur la bonne voie. Nonobstant tout ce que les impérialistes sont en train de créer, les capitalistes sont en train de créer, les panafricanistes sont en train de créer, pour essayer de phagocyter la foi chrétienne, ne vous inquiétez pas, l'Église va se réveiller. L'Église va se réveiller. Amen. J'ai vu dans une vision des chrétiens, je ne sais pas dans quel pays ils se trouvaient, des prêtres vaudous qui ont confronté les chrétiens. Ils avaient eu le dessus sur le chrétien. Mais le match n'est pas terminé. Je l'ai vu. J'ai vu dans un pays arabe des chrétiens qui étaient entassés quelque part, tués et jetés dans la mer. J'ai vu. J'ai prié. Il y a des choses que je ne dis pas tout simplement. Mais ils vont recevoir le châtiment. Il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui nous créent affliction. On souffre à cause du bon nom du Seigneur, maltraité à cause de son bon nom. Mais tenez ferme, on a choisi la bonne part. Amen. On a choisi la bonne part. Donc suivez Jésus pour ce qu'il est. Notre sauveur, notre lumière, notre rédempteur, celui qui viendra nous chercher pour nous rentrer à la maison. Appréciez-le dans cette dimension. Il donnera tout ce qu'il y a comme miracle et tout ce que nous pouvons avoir. Souvenons-nous, les miracles c'est pour nous. Dans Jean chapitre 5, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, c'est disposé pour nous. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, c'est pour nous. C'est légitime. Mais n'allez pas chercher Jésus-Christ pour les miracles, pour que quand il y a restauration, vous retournez dans votre vie. Ce sera la pire des choses que vous puissiez faire. Mais j'ai de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, on prend une respiration et puis on revient, d'accord? Amen. Venons à toi, Seigneur de bonheur parfait. Merci, Père. Pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. sa divine bonté. Sa divine bonté. Oh oui, le vent, il le vent pousse dans ma vie. Permis, et pendant sa magnificence. Oh oui, Jésus, le prince glorieux, qui a ta Bonsoir, Chagino. J'espère que cette conversation musicale du groupe Adorons l'Éternel de notre grand frère et mon frère particulier, Alain Moloto, qui se repose dans la gloire et qu'il attend nos venues là-bas avec des applaudissements qui se passeront ce jour-là que les saints se réunissent devant le Seigneur. J'espère que ces cantiques, ces petits chants-là vous ont bercé, n'est-ce pas? Il est dans la gloire, certainement. Il a achevé sa course. Il nous attend. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est fini pour ce soir, pas vrai? C'est fini? Frère, parlons, je ne sais pas, bon. Je suis à votre service. Voilà, revenons sur l'huile. L'huile qui est utilisée là, c'est quelle huile, en fait, pour la prière? Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas, frère? On dit l'huile. Mais tu veux que j'aie de l'huile? Ah, il y a huile d'ino, il y a huile de palme, il y a huile de coco, il y a huile de... Bon, quand tu vas vouloir n'importe quelle huile, mais tu n'as pas de nom là-bas, tu continues. Comme tu crois que Jacques ne connaissait pas les différents types d'huile là. Mais c'est quelle huile en fait? C'est l'huile. Tu veux quel style d'huile, frère? D'huile. Tu veux quel style d'huile? L'huile. On ne sait pas s'il y a une huile. Je ne sais pas. Vraiment, hein? Ouvre Matthieu chapitre 6. Mmh. Lui, alors, comme tu connais déjà ce que là, tu fais, tu rires. Il sait où il m'en prie, ça va. Lui. Il va demander le parfum. C'est quel parfum? Lis donc et tu poses la question et toi-même tu réponds. Finis de lire d'abord, puis tu poses la question et puis tu réponds. J'ai compris. J'ai compris, lis alors. Ok. Attends, c'est le verset. Oui. À partir du verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, non, ça va. Tu ne te montres pas. Maintenant, pose ta question maintenant et puis tu réponds. C'est que, quand il dit parfume-toi, quand il dit parfume-toi, le visage, ça avec quel type de parfum? Oui, réponds alors. N'importe. Ok. Donc, tu vois que vous êtes tellement intelligent. Que Dieu te bénisse. Il a dit parfume-toi. Quand tu te parfumes. C'est ces choses-là qui ont fait que les gens ont commencé à vendre l'huile d'olive. Les gens ont commencé à vendre l'huile d'olive. Mm-hmm. Voilà. Ces choses qui font qu'ils vendent l'huile d'olive. Mais pourquoi l'image de l'huile d'olive est devenue comme une huile spéciale et que c'est ça on a besoin toujours? Ou bien bon, c'est pas, ça dépend de chacun. Quand tu vas voir Makoso, il faut lui poser la question, d'accord? Mais j'ai dans la sainteté des questions. Oui, moi j'en ai. Allons-y. Moi j'ai des questions sur Apocalypse. Apocalypse 4, verset 5. Alors, je lis, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Ma question est la suivante, c'est quoi les esprits de Dieu? On n'a pas dit les esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu. C'est ce qu'il est dit. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Du trône sortent des éclairs. Des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qui fait ça? On t'entend pas, frère. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui fait ça? Oh, vous entendez là? Là, c'est bon, oui. Mais c'est quand même terrible ça. Voilà, donc la question c'est quoi c'est quoi le sept esprit de Dieu? Mm-hmm. Je pose, le frère Trabi, il a fermé rapidement l'image parce qu'il ne veut pas qu'il pose la question. Frère Trabi, où sont les frères là? Merci ma soeur pour cette question. Là. Voilà, ouvre d'abord la vidéo, on va te voir face à face quoi. Le frère Ali Diara, quels sont les sept esprits de Dieu? La soeur Reine, son micro est fermé. Cet esprit de Dieu soit pareil. Je préfère être patient pour grandir dans l'écriture. Je ne veux pas répondre maintenant. Je vous suis. C'est bien. C'est bien. Donc tu passes le torchon au frère Trabi. Allô? Oui, frère Trabi. Oui, allô. Frère Trabi, on t'entend. Et deux versets pour les sept esprits de Dieu. On a déjà parlé dans un enseignement. Mais c'est bon. Le frère Fabi, qu'est-ce que le sept esprits de Dieu, la soeur que le clodon veut savoir, les sept esprits de Dieu, c'est quoi? Les sept esprits de Dieu, en fait, dans les sept esprits de Dieu, pour les citer, en fait, c'est le passage que je n'ai pas, le verset que je n'ai pas, mais... On n'a pas trouvé le chat. On n'a pas entendu, je n'ai pas entendu le chapitre. Chapitre 4, verset 5. C'est ça. Le chapitre 4, verset, à partir du verset 5. Verset 5, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Non seulement pour ces questions, mais pour ces réponses également et pour votre travail. C'est pas ce qui a été dit dans Ésaïe aussi, à un moment donné. Donc, tu poses la question. Dans Ésaïe. Donc tu poses la question, tu as la réponse. Alors. C'est ça. Esprit de sagesse, esprit de. Oui, voilà, ça a l'intelligence et tout ça. Conseil, tout ça, les sept. C'est où alors? Voilà, c'est ça. C'est où? Là-bas, il y en a pas sept, par contre. Le sixième, là, c'est l'amour. Vraiment, hein? Le septième, c'est l'amour. Vraiment, hein? Oui. Donc, Jésus-Christ a l'esprit d'amour, quoi. Non, il est amour lui-même. Lui-même, il est amour. Ah, ok. Ça, c'est le septième. Tu es sûr? Oui. Donc, il y a l'esprit d'amour. Non, c'est lui-même qui est l'amour. Le septième, c'est lui-même. Il s'est manifesté, non? Apocalypse chapitre 1, il veut monter quelque chose maintenant pour en ajouter. Vous y êtes? Verset 9, oui, quel verset? Verset 9 est suivant, ma sœur. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressembla à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà, laissons ses yeux. Tu vas voir, une fois de plus, la description qu'on a fait de lui là-bas, c'est en sept. C'est les sept tubes de gloire. Lisons enfin les versets 19 et 20. Alors, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont des anges des sept églises et les sept chandeliers sont des sept églises. C'est bon. Maintenant, on peut commencer à parler. Si vous regardez la façon dont, si vous lisez le livre d'Exode chapitre 28, la confection des différentes choses que Dieu avait désignées pour l'ancienne alliance, vous allez voir qu'il y avait l'arche, quoi, il y avait le chandelier où il devait avoir l'huile, c'est assorti comme ça, ça a sept chandeliers en haut. Et puis, il y en a un seul conduit à l'intérieur dans lequel on verse l'huile. Écoutez très attentivement. Je ne sais pas comment il va faire pour que vous sachiez cela. Je crois que vous avez déjà vu au moins ça, le dessin. Il y en a sept, là, il y a sept conduits en haut, au-dessus duquel on met les lampes qui doivent être allumées. Mais le vrai problème, maintenant, c'est bougies. Enfin, c'est comme les bougies. Tu étais catholique, ma soeur? Les juifs aussi utilisent ça, les juifs. Voilà, non mais ils doivent utiliser parce que c'est ce qu'on leur a prescrit. Voilà, c'est bien ça, mon frère. C'est ce que les juifs utilisent. Donc, si ces chandeliers, bon, vous voyez, mes doigts sont en 5 par exemple. Supposons qu'il y en avait encore 2 ici, oui. Comme ça, pour faire 7. Mais le vrai problème, c'est que la cuve, quoi, la tige qui soutient les 7 là, c'est une seule tuile. Et c'est dans cette étui là que se trouve l'huile qui monte là-dedans. D'accord? Maintenant, ici, il dit que ces 7 chandeliers doivent représenter les 7 églises. Donc, ça veut dire que vous voyez 7 là, mais une même personne qui la tient. Et à l'intérieur, la même huile. Dans la première église, même Saint-Esprit dans la deuxième église, même Saint-Esprit dans la troisième église, même Saint-Esprit dans la... Vous voyez, là, chacun a sa dispensation et sa clarté et sa lumière. Le même Saint-Esprit dans une dispensation, le même Saint-Esprit dans une dispensation, le même Saint-Esprit, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'éternel, esprit de... Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le voilà. Que Dieu vous bénisse. J'en ai terminé. Béji dans la sainteté, bonne soirée. Non, Fred, tu vas partir comme ça. Comment tu veux pas qu'il parte comme ça? L'enseignement est trop bon. C'est trop bon. Trop bon. Et là, je vous pose la question. Vous étiez au chapitre 4. Elle a posé la question au chapitre 4. Je vais aussi au chapitre 5. Parce qu'elle a lu le chapitre 4, verset 5. Moi, je lis le chapitre 5, verset 4 et suivant aussi. Je pose la question. Vous y êtes? Oui. Verset 4 jusqu'au verset 7 du chapitre 5. Chapitre 5, verset 4. Verset 4 à 7. Et je pleurais beaucoup, c'est là? Oui, c'est vraiment là-bas. Les femmes ont trop pleuré aussi. Et ainsi de suite. Pleure. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez cela? Vous avez vu ça? Vous voyez cela? Il s'agit de l'agneau de la rédemption, d'accord? Ça, c'est l'agneau de la rédemption. Vous remarquez très attentivement que Jean a dû pleurer parce qu'il n'y avait personne. La Bible déclare au verset 7 qu'il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône parce qu'il en était digne. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre, d'accord? C'est l'agneau. C'est lui l'agneau de la rédemption. D'accord, ma soeur? C'est Jésus. C'est Jésus. Oui. J'ai une question à ce propos. Pas, je voulais savoir. Ne t'inquiète pas, il ne veut pas partir. Oui. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de savoir quelles sont les périodes de l'existence des églises? Je sais que nous, on est à la dernière église, l'église de Laodicée. Oui. D'accord? Oui. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça a commencé à quelle date, à quelle période, et ça se termine à quelle période? Là, tu vois ce que je veux dire là, ou pas? Il faut chercher ça en même temps dans la Bible, avec les détails que la Bible donne, puis dans l'histoire. Parce qu'après que la Bible ait été scellée et finie par Jean, on ne pourrait plus rentrer écrire les dates là à l'intérieur. C'est les dates historiques et avec les références que donne la Bible. Par exemple, nous pouvons effectivement identifier la première église, puis identifier la dernière. Parce que la dernière, nous y vivons et nous voyons les caractéristiques. Oui. La première, nous, ça, vivons, oui, nous voyons les caractéristiques avec le temps de l'apôtre Paul, le temps d'Éphèse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Éphèse, ce qu'il veut dire, c'est relâché. Parce qu'il y avait les apôtres, ils pouvaient confronter les autres apôtres. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit effectivement que ces hommes-là sont de faux apôtres. Et dans Éphésiens chapitre, enfin, dans Apocalypse chapitre 2, il a dit que c'est parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que tu les as trouvés menteurs. Donc nous voyons finalement la première église, puis la dernière. Mais les autres, maintenant, il faut lire les caractéristiques et aller dans l'histoire chercher cela. D'accord? On peut effectivement retracer cela dans la période du temps. Mais l'agneau de la rédemption a vaincu. D'accord, ma soeur? C'est ce qui est merveilleux. D'accord? Amen, amen, amen. Prenons une ponctuation. Prenons une ponctuation là et revenons, d'accord? Et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Tout cherchant, tout poussant, il y a conclu avec plusieurs des alliances dans les humains. Viole toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes trouve personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel, c'est l'épée au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous mange, agneau de la rédemption. la sainteté, bonsoir encore. Bonsoir. Frère Ali Diarra. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Le frère Ali Diarra dit qu'on ne parle pas que l'enseignement est trop bon. C'est trop bon, papa. Et il dit papa, quoi, frère Junior. Ah! Mon frère, tu enseignes la Bible vraiment. On dirait même Dieu même habite auprès de toi là-bas. Ah, que Dieu t'ait rempli encore, papa. D'après les Ivoiriens, c'est doux, c'est tellement doux, on ne peut pas laisser tomber. Comme tu as dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, frère. On t'entend, c'est sûr. Amen. Frère, où tu as dit que ne regarde pas le miracle pour se fermer soi-même. Beaucoup d'hommes font ça. Dès qu'il y a bonheur, ouf, la Bible là-même, là, il laisse ça dans la cave. Il n'a plus le temps. Oui. Ah, pourtant, c'est un canal. C'est un canal même pour... Comment on appelle pour le royaume de Dieu. C'est que ça, c'est une révélation vraiment qui m'a réveillé un coup, paf. Voilà, quel que soit les déserts, on a accroché. Quand bonheur vient, on dit, ah, ça c'est nos propres forces. Voilà l'erreur, c'est mon intelligence qui a fait ça. Ah, vraiment, merci frère, ciao. Ça c'est une porte qui t'a ouvert. Moi, en tout cas, j'ai saisi quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen, on peut continuer. Hein. Nous, allez. Je prends du plaisir à t'écouter, frère Ali Diarra. C'est pour te dire vraiment, ça c'est un déclic pour moi actuellement. Hein. Ça m'a. Paf! Il dit ouais. Il enseigne vraiment. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Amen. Amen. Et Dieu te remplit encore. Amen. Et qu'il vous visite. Que Dieu nous rend chacun les grands hommes d'affaires. On vient dans les diètes pour venir te rendre visite. Amen. Amen. Ouais. C'est possible. Continue à parler, frère Ali Diarra. J'ai plein de plaisir à t'écouter. Si il dit une parole, il n'y a plus rien. Ce qui était là, c'était fait sortir. Peut-être ça va venir après. Ok. Donc, souvenez-vous que chaque fois, je vais toujours vous dire la vérité et que je vous aime. Et qu'un de ces jours, si cette chaise ne se présente plus devant vous, la voix que je vous ai parlé. Elle est véritable. Amen. Elle a parlé conformément à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Écoutez-la. Saisissez-la. Gardez fermement ce qu'il en est. Vivez cela. Et à coup sûr, l'entrée dans le royaume sera grandement ouverte. Amen. Frère, je me posais des questions une fois. Je me demandais, mais pourquoi du côté islamique, il y a beaucoup de malades, de lépreux, les infimes. Pourquoi c'est là-bas, ils sont plein là-bas comme ça? Soit parce qu'ils, je sais pas, soit ils blasphèment contre le Seigneur, c'est à cause de ça, ou bien, je sais pas pourquoi c'est comme ça de ce côté-là. Je suis pas le créateur, mon cher frère. Autre question? Moi, ce que je peux répondre à frère, comment on appelle frère Trabi. Trabi. C'est-à-dire, comme Juno nous a dit, il y a les miracles faux qui peuvent nous prendre, on s'approche à ça, pour lui, ça c'est le vrai miracle, souvent. Bon, en un mot, tout dépend de Dieu. Moi, ce que j'ai vu, parce que moi, je suis un ancien musulman, ce que j'ai vu chez les musulmans, le musulman, il croit vraiment à la religion. Musulman. Il croit, hein, je te dis, parce qu'il a grandi avec. Il croit. Ils sont dans le faux. Tu sais, comme une fois, j'ai écouté un truc de frère Junon, il dit si Dieu t'a appelé, c'est une grâce. Quelque part, c'est une grâce. Effectivement, c'est une grâce. Moi, autant en Côte d'Ivoire, si un chrétien venait s'arrêter devant moi, il allait prendre un coup de tête. Non, au sérieux. Je les voyais comme c'est les gens, ils se foutent des gens, quoi. Excuse-moi, j'aime, quoi. Parce que moi, j'ai grandi dans une religion. J'ai bien dit tout à l'heure là que je prends plaisir à t'écouter. Je crois que nous tous nous prenons plaisir à t'écouter. Continue. Amen. Moi-même, quand j'étais encore musulman, vraiment, j'ai grandi avec mes parents. Quand je voyais quand on va à la mosquée, les femmes, on ne les voit pas. Ils sont cachés derrière là-bas. On est entre nous les hommes. Tu imagines, moi, je vois dans une église, il y a le tam-tam, les femmes et les hommes sont ménagés, ça crie, je dis, attends, on est où là? Tu vois, c'était trop fort pour moi. Voilà, c'est que je me disais que les musulmans ont raison. Tu vois? Mais avec le temps, j'ai vu que vraiment, Dieu n'est pas compliqué, c'est l'être humain qui est compliqué. Quand lui, il est quelque part, ou soit ma maman préparée avec gombo, moi je dois faire gombo, gombo, gombo, gombo. Il ne cherche pas à évoluer. Tu vois? Hier, j'étais assis comme ça sur Facebook. Il y a une révélation qui est venue dans ma tête. Il y a un gars qui a balancé la Mecque. Tu vois la Mecque là? Où ils vont faire les pèlerinages là? Il y a un truc où ils font le tour de ça. La Kaaba. La Kaaba, voilà la Kaaba. On dirait que c'est 7 fois ou c'est combien de fois il faut faire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu dans mon pensée. J'ai dit, je comprends. Ça dit, c'est les gens, c'est comme ils cherchent à sortir. Le tout là même là. C'est pas simple. On dirait qu'ils sont pris par la main du diable. Il est fait tourner sur eux-mêmes. Il est fait tourner. C'est quelques-uns qui vont s'en sortir. Mais moi, c'est une révélation qui est venue. Paf! Le frère Ali Diarra, tout ce que tu dis là, si les musulmans t'attrapent là, ils vont décréter la fatwa contre toi. Oui, moi je n'ai pas peur. Parce que je sais comment je vais les parler. Ok, parle-les ce soir. Parle-les maintenant. Parle-les directement. Parle-les. J'ai discuté avec beaucoup de choses, tu vois, les fanatiques des banlieues de Paris, là. Et c'est les wash-wash même. Ils ne veulent rien savoir. Voilà. Et quand, moi, je les ai croisés, je travaille avec beaucoup aussi. Ils disent, tu t'appelles Ali. Je dis, oui, mais quand ils disent ça, moi, je n'entends pas. Ils disent, je suis chrétien. Ils disent, mais pourquoi? Toi, tu t'appelles Ali, tu es devenu chrétien. Pourquoi? Ils n'acceptent pas. On discute, après il se lève, il prend les chemins. Moi je me lève jamais. C'est-à-dire quelque part. C'est là qu'il fuit alors. Voilà, il fuit. C'est après il a compris que non, tu peux rien faire. Comme Jésus t'a dit. Si tu vois quelqu'un vient par moi, c'est le Père qui a décidé. Amen. Moi avant je voulais faire ça avec ma propre force, avec mon intelligence. Au bout de temps, je ne maîtrise pas bien la parole. Je rentre dans le discours comme ça. Je vais les faire venir vraiment. Il me dit, mais on est libre là, du coup. D'autres même me disent ça. D'autres même me disent, il n'y a pas Dieu. Mais après tout le temps, il a commencé à comprendre que mais moi, je vais aller à ma force. Là, je suis limité, mon intelligence est limité. Peut-être que je peux prier seulement pour le monde. Que Dieu même touche chacun. Moi, j'ai regardé un témoin d'un chrétien Ali. Tu tapes Ali à la Mecque. Oui, celui qui a été converti justement pendant le pèlerinage à la Mecque, là, Ali. Allez, tu voilà. Pas fait cela, oui. Merci. Sois béni. Quand j'ai vu ça, j'ai balancé ça à mes frères. Mes frères m'ont dit, non, c'est les gens, on leur donne l'argent pour faire des trucs. J'ai dit, mais qui a le temps de donner l'argent à les gens pour faire des trucs comme ça? Même quand j'étais petit, c'est comme ça. Quand j'écoutais les trucs, quand j'ai demandé à mes frères, mais ça c'est quoi? Ils disent, non, c'est les blancs qui leur donnent l'argent de monter un truc comme ça, de mentir. Mais à la longue, j'ai vu que c'est faux. Qui a le temps de donner l'argent à quelqu'un de mentir? Donc les musulmans mentent qu'on mente en leur nom. Non. Il dit, celui qui donne sa vie en Jésus, tu sais que la personne a son témoignage. Oui. Quand il fait un témoignage comme ça, soit c'est à la radio, quand tu écoutes, moi, à l'époque, en Côte d'Ivoire, il y a un musulman même, Adama Oumoussala. Son papa était l'imam, lui, il a donné sa vie. Je me rappelle, mais en 80, combien, mais c'est encore petit. Quand il écoutait ça, il a dit à mon grand frère, il a dit, mais tu connais le gars là, parce qu'on le connaît un peu, la famille. Moi, il a fait l'école coranique mais dans sa famille. Ses parents même, c'est les musulmans vraiment qui ont construit les mosquées, tout ça. Mon grand frère m'a dit, non, faut pas l'écouter. Lui, là, les blancs lui ont appelé à côté, lui, lui ont donné une somme, c'est le cas, il fait ça. Donc, il faut ça pour déléguer le témoignage pour vous empêcher de suivre, quoi. Voilà. Donc, les musulmans sont les menteurs. Ouais. Mais c'est le menteur, puis le diable même c'est qui d'avant? C'est le père des mensonges. Voilà. Lui, il est lui. Voilà. Donc ça veut dire que le diable, c'est le père des musulmans. Voilà. Moi, en termes, je ne peux pas les dire ça pour les blesser, mais si ça ne va pas, moi, je dis, pour qu'ils réfléchissent. Moi-même, je suis là, frère Junior, oui. Si on m'avait parlé d'affaires de christianisme, je ne crois pas. Mais moi, tellement j'étais curieux, je suis allé chez les bouddhistes. Quand les bouddhistes m'ont dit, je suis quitté là-bas. J'ai donné ma vie en 2008. J'ai dit, je vais tester. J'ai fait 9e, c'est une fille qui m'a donné ce prière-là. Mmh. J'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, j'ai vu la main de Dieu, mais ça ne sera rien de venir me parler. Et puis moi, j'ai entendu la voix du diable quand j'ai donné ma vie en Jésus. Mmh. Je suis dans ma chambre. Oui. Je devrais aller à l'église, on m'a invité un dimanche. Mmh. La voix me dit, j'entends même donner à quelqu'un dans ma chambre. Mmh. Faut pas aller. Ça a sonné. Mmh. C'est pas pour dire ça en son, je crois quoi. Je suis assis dans ma chambre, j'entends une voix qui dit, faut pas aller à l'église. Ça te gronde. Je me suis assis. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? En ce moment, c'était chaud dans ma main, mais c'est gâté, mais moi, mais me cherche. J'ai dit, non, ça, c'est pas bon voir ça. Dieu ne peut pas dire ça. Comment était la voix? La voix te grondait et t'intimidait? Non, il ne m'intimide pas. La voix m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. Tout ce que la voix m'a dit. Parce que moi, d'abord, j'ai réfléchi ça dans mon cœur. Il doit aller, on m'a donné rendez-vous dimanche, il vient là, il doit aller. Si je m'appelle, je dois confesser, je dois me baptiser, tout ça. C'est comme un musulman qui va donner sa vie à Jésus. Mais là, le dimanche matin, ici, en train de me préparer, la fille m'attendait de voir pourquoi on va dans son église. Il y a une voix qui sonne dans ma maison, il ne faut pas aller à l'église. Il me s'est assis d'abord sur mon lit. Il dit, mais c'est quoi ça là? Après, il dit, non. Tu sais, quand Dieu te sauve là, oui. Tu connais une voix de mensonges. Oui. J'ai dit, non, ça, c'est pas la voix de Dieu, ça. Je suis parti. Et à la longue, j'ai vu vraiment que si tu vois que tu ne vois pas la main de Dieu, il ne faut pas te presser. Dieu, il est là. Ça c'était en Suisse ou dans quel pays que cette voix t'a en Suisse, ici. C'est en 2008. Oui. Tu me souviens bien. Raconte-nous la suite de ta conversion. Quand tu es allé à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Dis-nous. Je suis allé là-bas, ils m'ont présenté le pasteur. Il a dit, il doit me voir d'abord. Moi, je pensais que bon, ils allaient me laisser rouler comme tout le monde. Il dit, non, il faut que tu viennes me voir d'abord. Ça, il doit le voir encore. Va à l'église, les gens sont en train d'adorer. Il me laisse dedans adorer. Il dit, non, il faut que toi et moi, on se voit d'abord. Moi, je suis venu maintenant, m'asseoir auprès d'eux. Il y avait une banque qu'on m'a donnée chez les musulmans, long comme ça, une potée. Moi, je suis allé à l'église. Il m'a demandé, ah, ton parcours, tu as touché à quoi, tu as fait quoi. Moi, j'ai tout dit. J'ai adoré l'eau, j'ai touché au fétiche, je suis allé au Mali, j'ai fait ça. Voilà. Tu as fait quoi, Ali, parle-nous, dis-nous tout. Non, mais, à un moment, je suis allé au Mali, aller adorer fétiche là-bas, je suis allé me laver, ils m'ont donné des potions, ils m'ont donné même les calebasses, même si tu dois sortir là, dans la journée, tu dois parler à calebasse, là, tu le remis, ça fait propre. Et le calebasse là, mais il faut lui donner encore quelque chose, comme on appelle le. C'est comme tu dois le. Comment on appelle ça même là? Tu vois, entretenir, tu dois entretenir cela. Voilà, c'est-à-dire comme tu lui donnes quelque chose. Mais là, la personne m'a dit si. Parce que lui m'avait demandé poulet, moi il dit ah, c'est un peu, moi j'aime pas trop. Mais il dit non, tu peux lui donner un beurre de qualité. C'était pas de qualité, moi j'ai plus une grosse boîte de beurre de qualité, il lui est foutu dedans. Comme c'est sa nourriture, là, il va se nourrir, si moi il veut sortir, il prend, il balance, il parle dedans, puis il sort. Allez, il part. J'ai dit, allez même donner mon corps même à les féticheurs, ils ont coupé même les choses dedans, tout ça là. Mais quand Dieu dit, tu n'es pas quelque part, tu n'es pas là-bas. Non. Moi-même, je peux dire que c'est un témoignage pour moi-même. C'est pourquoi même ici, mes amis musulmans, beaucoup me détestent ici. Mais ça ne veut dire rien parce que... Mon cher Ali, je ne dois pas te laisser ce soir. Tu dois nous raconter doucement comment ça s'est passé. Au Mali, là, est-ce que c'est un musulman qui te faisait cela? Ce sont des féticheurs musulmans. Non. C'est un vieux, même il est décédé. C'est un vieux. Oui. C'est un vieux. Il pouvait mettre en brousse. Oui. Il pouvait mettre en brousse. Lui, c'est loin des villages. Il allait faire sa maison en brousse là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, c'est grâce à mon frère même qu'on est allé là-bas. Mais on allait là-bas, le vieux, il pleurait seulement. Il dit, mais comment, lui, il n'est rien, non, on peut quitter jusqu'à Abidjan, venir nous voir. Nous, on a vu quoi dans lui, tout ça là. Moi, il dit, ah, voilà, c'est mon grand frère qui m'a envoyé. C'est que le vieux, même moi, c'est qu'il m'a donné, même mon grand frère n'a pas une moitié. C'est devenu jalousie. Quand il prend ça, il dit, toi, tiens ça, il prend ça, il dit, toi, il dit, ah, l'homme même qui m'a envoyé. Il dit, non, c'est pas ça, faut pas faire jalousie. Parce que toi, quand je t'ai vu vraiment, c'est ça, il doit te donner. Mais il a donné aussi à mon grand frère, mais moi, j'ai eu trop. Mais qu'est-ce que tu partais chercher chez lui? Mais on allait chercher, comment on appelle, les potions pour avoir la chance. Pour avoir la chance. Pour la réussite, voilà. Mais la roquia, on fait la roquia dans la région musulmane, et même la région musulmane interdit cela, n'est-ce pas? Bien sûr, bien c'est, sûr. C'est vrai que les salafistes, surtout même moi, mon côté. Mm-hmm. Voilà. Moi, mon côté, même, ils veulent même pas, même si tu es malade, tu peux. Mais non, on a fait ça comme ça parce que ça n'allait pas dans la famille. Chacun se cherchait, on ne se pas se trouver. Il y a blocage partout. Moi, je me suis retiré, moi, j'ai commencé d'abord. Mon grand frère, quand il venait me voir, il dit, mais si tu mets dans ça, tu vas aller à l'enfer. Il dit, mon frère, laisse tomber. Parce que tout le monde dans la famille, ça va pas. Mm-hmm. Ingénieur ou quoi, chacun se cherche. Il dit, non, moi, je vais pas m'asseoir comme ça. Mm-hmm. Et je l'ai venu trouver même mardi chez moi. Il dit, mais c'est quoi ça là? Ça, si tu mets dans ça, tu vas aller à l'enfer. Il dit, faut partir. Si, aller à l'enfer, ça, c'est pas ton problème. Moi, je suis là. Je suis pas prêt pour subir ce que vous avez subi là. Moi, je vais voir la vérité. Un jour, il allait voir l'un de ses amis, et c'est pas qu'est-ce qu'il a dit à son ami. Son ami lui a donné l'adresse au Mali d'aller voir un vieux là. Il est venu me voir. Mm. Il dit, ah, on m'a montré un coin, si tu veux, on va aller là-bas. Il dit, allons. Ah, le jour-là, même avant d'aller, moi, je suis tombé malade. Mm. J'ai eu, comme on appelle, angine. Mm-hmm. Il a fait les 4 jours de voyage, là, il s'est couché dans le car. Mm. Jusqu'à arriver dans le village là. Lui-même, maladie même qu'il avait là-bas, on allait là-bas, ils ont soigné, fatigué, ça. C'est pas parti. Mm. On est rentré à Abidjan. On est rentré à Abidjan, ça continue encore, même chose. C'est là, moi, il dit, attends, chacun va se débrouiller maintenant. Moi, j'ai connu un jeune qui m'a dit, lui, le bouddhiste, tant, il dit, mais pourquoi pas aller voir. On allait s'asseoir là-bas, on prie, nyam, nyam, orengen, chon, nyam, nyam, après, moi, il me suis mis à côté, il a appelé un là-bas, il dit, ah, moi, je veux me renseigner dans vous, ouais, c'est pourquoi. Tu es libre, tu questions, tu veux, tu poses, on le doigt de téléphone, hein. Il dit, mais vous priez qui au juste? Ah non, plus toutes les forces de l'univers du monde. Bah, moi, il dit, moi, j'ai fermé ma bouche, il dit, bon, moi, dans mon cœur, moi, c'est pas toutes les forces, là, moi, je cherche. Moi, je cherche un Dieu. Ah, moi, je suis parti, frère. Il n'est plus mes pieds là-bas. Même les quartiers, mais il n'est pas plus là-bas. Il dit, non. Puis, c'est dans une petite boîte, ils ont collé sur le mur. Il y a un gars qui est assis là-bas, son gros ventre dedans. Ils ont mis pommes, carottes devant lui là-bas, plein. Mais ils ont des disciples, hein? Ils ont des adeptes, hein, beaucoup. Mais moi, j'ai regardé ça, je suis parti. Mm-hmm. C'est là que je suis rentré encore ici, les mêmes combats là encore, même combat. C'est pas parce que ça bougeait pas dans ma main, ça bouge, mais après, tu vois, il y a une force qui vient vraiment tout terrasser. Il dit non. Quand j'ai essayé de donner ma vie en Jésus, j'ai vu que non, il n'y a pas match. Mm. Non. Raconte-nous cet épisode-là. Tu as vu qu'il y a quand même changement en Jésus. Beaucoup. Mm. Je ne vais pas mentir. Beaucoup. Mm. Beaucoup. Oh, mes frères musulmans qui sont ici, quand ils les expliquent, ils disent, oh, toi-même, on ne comprend pas. D'abord, nous, on est musulmans, mais vous êtes les musulmans fanatiques, là, même, qui ne prennent même pas comprimé, qui n'aiment pas photo. Mais toi, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu cherches quoi chez les gens? Et ils appellent ça les sectes. Hein. Mm. Et non, c'est à l'église, c'est un secte. Non, tu vois pas les pasteurs, les gros voitures, tant, ils sont en train de vous mettre dans les trucs, vous blaguer, prendre vos l'argent. Chacun dit pour lui là-bas. Moi, il dit, chacun a sa vie. Hein. Moi, je sais que Jésus, là, il existe. Même si elle est faux, Jésus, là, il existe. Mm. Moi, je ne vais pas retourner en arrière. Mm. Moi, j'ai fait mon chemin. D'autres m'ont compris. On est amis, on se salue. Mais d'autres, quand ils viennent seulement, ah, voilà le chrétien qui est arrivé. Le pasteur, oui. On dit quoi là-bas? Oh, j'ai un peu moqué. Mais moi, ça ne me dit rien. Mm. Ça ne me dit rien. Non. Moi, j'ai la foi. Je sais que Jésus existe. Amen. Moi, c'est pour lui qui me fait pitié. J'ai pris pour lui. Mm. Frère, Ali Diarra. Oui. À la base, ton père est musulman, ta mère est musulman en Côte d'Ivoire. Claire. Mais ils sont plus, hein, ils ne vivent plus. Il ne vit plus. Il, à la base, quand vous étiez petit, vous êtes musulman. Pourquoi on puisse bien saisir le wap, mais c'est son voilé. Oui. Mais c'est son voile. Ouais. Voilà. Et vous avez fait l'école coranique. Oui. Vous avez grandi comme ça. Et actuellement, il y a certains de tes frères qui sont musulmans, mais toi, tu as choisi la voie chrétienne. Voilà. Comment est la relation entre vous dans la famille? Oui. Il ne parle pas trop, parce que, mais après, il me dit souvent, mais. Tu vois, tu es sûr vraiment, c'est la bonne voie que tu as prise, tu es sûr vraiment, c'est quoi ça là, est-ce que tu n'es pas perdu? Tu sais, il y a toujours, ils vont toujours essayer de me faire comprendre que non, faut arrêter, c'est pas parce que tu souffres, tu vas aller là-bas, c'est pas bon, on est né musulman, la famille, c'est comme tu es en train de nous trahir. Il dit oui, trahir, pas trahir, c'est que si chacun met, on va aller un à un, personne ne va comprendre chacun. Chacun va se débrouiller dans son côté là-bas. De la main, on est venu un à un dans le ventre de nos mamans là. C'est comme ça, on va se réunir comme ça. Et elle dit que si moi-même je me suis trompé là, je vais assumer. Mais je sais que ici c'est la bonne voie. Amen. Moi je vous dis dans la histoire. Mm. Il dit, je vous dis seulement, essaye. Moi je l'ai dit seulement, il dit essaye. Mm. Souvent il dit, prends la Bible un peu, tu lis. D'autres me disent, ah, moi j'ai fini de lire la Bible, il n'y a rien là-bas, le Coran. C'est Dieu. Donc, hein. Donc si le Seigneur ne les attire pas, ils ne pourront pas venir. Voilà. Mais pourtant, j'ai prié pour eux. Mm. J'ai prié pour eux. Que Dieu vraiment fait un miracle dans la famille. Mm. Ah, il y a un grand frère ingénieur, lui-même il a grandi même en Arabie Saoudite là-bas. Par exemple, à l'époque ils ont marché, ils n'avaient pas de voiture, ils marchaient des Abidjan, du désert, pour aller jusqu'à moi, mon fils a marché jusqu'à aller là-bas. Mm. Et là, lui-même il n'était pas l'arabe, tu ne peux pas. Mais le gars il est allé là-bas, rentré à Thomas, il est malade là-bas grave. Moi il m'a pris pour lui ici. Je lui parle, il m'écoute. Il se trouve où celui qui est malade, ton frère qui est malade, il se trouve. Mais il a Abidjan. Il a Abidjan. Est-ce que tu peux lui envoyer l'adresse Skype de dire, par exemple, contacte celui-ci, il prie pour toi. Si ça ne marche pas, tu continues. J'essaie même, il me dit oui, il a compris. Après, il se voit chaque soir, il y a un grand frère qui a un coin là. Il se voit là chaque soir, il s'assoit, il cause. Chacun rentre chez lui. Et c'est que quand j'ai dit à un comme ça, ils vont se remettre tout. Il dit, mais non, Ali, ça ne va pas dans sa tête. Voilà, c'est ce qu'il dit, non, périphère, il n'est pas, je suis avant-dernier. Il dit, non, le périphère, il y a un même qui a dit que moi, il a laissé le chemin. Mm. Vous venez en arrière. Il dit, ah, pas de problème. Mm. C'est Dieu qui peut faire, sinon moi, je ne peux pas. Mm. Je peux pas. Il a donné même adresse, même, il y a un gars, même pasteur que je connais, il n'a qu'à aller là-bas, il a pris adresse là. Il m'a plus appelé. Mm. Moi aussi, il a laissé, un jour, il m'appelle. Il dit, oh, il faut laisser ça là. Il fait comment? Et même tu dis que tout témoignage des chrétiens, ils sont payés. Mm-hmm. Tu vas dire quoi? Mm-hmm. Les chrétiens sont payés pour faire les faux témoignages. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà donné les preuves du fait que le témoignage d'Ali, le témoignage des califes, des salifs, ainsi de suite, tous les autres anciens terroristes égyptiens là, est-ce qu'ils ont déjà donné les preuves que cela a été monnayé par des blancs, comme ils disent que la Bible est trafiquée, ainsi de suite, que les chrétiens sont faux, ainsi de suite? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit que voici la preuve? Non. En tout cas, c'est les gens, quand je parle, ils m'écoutent, mais après, tu vois, ça va pas. Mmh. Voilà. Allez. Voilà. M'écoute quand il parle, mais après, tu sens qu'il y a, je ne sais pas à quoi, en tout cas, je comprends pas. Ouais. Ali, revenons sur un événement que tu as raconté tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure que tu étais sur Facebook et une pensée t'est venue concernant la Kaaba. Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. La Kaaba, moi, je me dis que c'est le diable qui entraîne, c'est-à-dire qu'il est en train de l'aveugler, quoi. Mmh. J'ai un peu, c'est comme quelqu'un qui tourne sur lui-même. Mmh. Il tourne en rond comme la chèvre, on dit, quelqu'un peut te voir comme ça. Il dit, ta vie, tu fais que sur place. Mmh. Ça c'est dit. Mmh. La personne même se rend compte vraiment qu'il fait que le sur place. Mmh. On prie pour lui. Après, peut-être il va venir te montrer vraiment depuis que tu as prié pour moi, il voit que les choses bougent. Mmh. Al-Kaba, ils font le tour là, ils vont où là? Ils vont où? Et ils sont des millions comme ça chaque fois qu'ils tournent autour. Oui, plein. Et ils partent à l'issue de ça, ils partent à l'issue des pèlerinages, ils partent là on parle de verser sur la lapidation de Satan, les gens ils meurent chaque fois. Voilà. Tu vois? Et puis encore, regardez un pays, il n'y a pas à faire dire que toi on dit que tu as tué ou tu as volé. On ne demande même pas savoir si tu as volé, on te prend en plein vendredi, on te met devant tout le monde, on coupe ta tête. Il n'y a pas de miséricorde. On coupe ton bras. Il n'y a pas de miséricorde. Voilà, c'est-à-dire, c'est même je veux comme ça va un peu, c'est-à-dire, il faut chercher à savoir si c'est lui le coupable ou si ce n'est pas coupable. Non, on dit le c'est lui, il y a deux ou trois personnes qui ont dit c'est lui, on le met comme ça. Et c'est pas pour chercher, peut-être comme c'est une... Ils sont aveuglés, il faut verser le sang pour adorer, parce que le diable aime le sang. Mm. Tu vois, Al-Kaaba là même d'abord, même si tu regardes l'histoire d'Al-Kaaba, c'était les fétiches qui étaient là-bas. Exactement. Al-Kaaba, donc, même, c'est un coin de fétiches, c'était rempli de fétiches. Donc tu veux dire que Mohamed, qui prônent le monothéisme et la non-association, poussent les musulmans à adorer la pierre, Al-Manak, Al-Salah, ainsi de suite, là, derrière la pierre. Voilà. Parce que lui-même, d'abord, quand il rentre dans son histoire, même là, c'était pas un gars même qui est clair. Qui ça? Mohamed, là. Quand tu rentres même dans son histoire, même là, c'est un gars même qui a fait beaucoup de conneries. Oui, donc c'est un ancien prophète que tu parles comme ça. On dit, alors que la Bible, le Coran dit que vous avez en Mohamed. Avec son messager, un parfait exemple. Je le respecte, mais quand il a son parcours, oui, ça fait, tu bouges un peu ta tête, quoi. Oui. Tu vois? Oui. Voilà, quand il a son parcours, même tu bouges un peu ta tête. Et quand lui, le bon, maintenant, les autres, même, chacun a créé le kitab qui n'a rien à voir. C'est comme les livres que les autres écrivent. Chacun a écrit pour lui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, la même liste, là, même, il y a Sunna, il y a Wahab, il y a beaucoup de branches. Et il a prophétisé qu'il devait se diviser en 72 communautés. Il y a une seule qui va entrer. Et quand je vois aujourd'hui à Abidjan, mes frères musulmans vont s'arrêter dans les carrefours en train de débattre avec les chrétiens, je dis, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. On les instrumentalise. Voilà. Et puis c'est les gens qui se croient. Ça arrive même pas de religion, mais il y a des choses que tu peux faire comme ça. On te dit non, tu n'as pas raison. Mais tu dis tu as raison. Ça la longue, tu vois que tu n'as pas raison. Si tu es un homme honnête, tu vas dire non, pardon, vraiment, j'ai fait le rêve. Mais d'autres ne connaissent pas les rêves. Oui. Tu vois? Ali, peux-moi te poser les questions. Quand tu étais musulman, comment tu regardais les chrétiens? Non. Je les voyais comme ils sont dans le faux, sincèrement. Ouais, je me dis, ils se trompent. Et d'abord, le mot même, fils de Dieu, si un musulman tu dis fils de Dieu, lui voit comme Dieu est fini en même temps aller au lit, quoi, directement, lui voit pas son esprit. Lui voit que Dieu est venu comme toi, tu prends une fille, tu vas là. Voilà. Lui voit ça comme ça. Il dit, mais non, Dieu est trop propre pour ça. Tu vois, il faut que la révélation qui descend en lui soit, Dieu le capte pour qu'il comprenne que non, que c'est l'esprit, Dieu est capable de tout. C'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui fait. Lui-même l'a dit quoi. Il dit il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut. Là, tu vas discuter avec lui pourquoi. Voilà. Et il dit, mais dans sa parole, c'est lui qui crée le potasse. Et si le potasse peut dire à la personne, pourquoi tu m'as donné telle forme? No. Dieu parle, hein. Dieu parle. C'est pareil, les gens ne font pas attention. Quand tu comprends ça, ça te calme. Je sais que le corps murmure, mais tu vois, ça te calme. Tu vas aller doucement, tu ne vas pas vraiment t'embrouiller. Et tu vas avoir une avance si les gens qui n'ont pas compris la raison qu'on tient, quand ils vont commencer à t'embrouiller ou t'insulter, ça ne te dit rien parce que toi tu as avancé spirituellement que eux. C'est là, moi je dis, c'est une grâce vraiment. Souvent d'autres même s'assoient et disent, mais qu'est-ce que j'ai fait du mieux que Dieu m'a choisi? Moïse a dit ça. Moïse n'a pas eu quel bonheur. Il était quelque part, il a grandi dans les grandes études. Mais quand il a vu Dieu, il a ouvert ses yeux là. Il a laissé le luxe là tomber. Il a pris son bâton, il a marché dans le désert. Exactement. C'est une grâce. Et dans le code coranique, vous parlez des sujets de Jésus. Quand vous étiez dans le. Oui, il parle. Et il dit c'est Issa. Voilà, Issa. Chez les musulmans, c'est Issa qui est Jésus. Qu'est-ce qu'on vous enseigne particulièrement sur la religion chrétienne dans l'islam? Et il dit que, comment on appelle la religion chrétienne, d'abord, le fait même, ils connaissent vraiment que Jésus est né par la puissance de Dieu. Ils savent qu'il y a une différence. Beaucoup commencent à comprendre ça. Mais ce qu'ils ne veulent pas accepter, quand un chrétien dit que Jésus est Dieu, ils n'aiment pas ça aussi. Mais pourtant, c'est la vérité. Comment toi tu sais que Jésus est Dieu alors que tu étais musulman? Non, quand moi j'étais musulman, je n'ai pas dit, je croyais pas à son côté Dieu. Quand j'étais musulman, je ne croyais pas. Il dit que c'est un prophète comme les autres. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Mais son côté Dieu, je ne croyais pas. Mais il fallait venir ici pour comprendre, écouter. Moi-même, je murmurais aussi encore. Parce qu'il y a les gens qui vont te faire raisonner même philosophiquement que Jésus n'est pas Dieu. Mais si toi-même, tu prends ton temps, tu lis la Bible, tu veux vraiment que le gars, il avait côté humain, il avait côté Dieu. C'est un Dieu. Parce que d'abord, lui-même, il a dit quoi? Dieu, si tu me vois, tu as vu le Père. Un ambassadeur, il présente le président. Tu ne vas pas dire qu'il n'est pas le président. Il est le président. Mais et ça les fait mal. C'est ce côté, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Bon, alors dans ce cas, est-ce que c'est Mohamed? Est-ce que c'est vraiment Dieu, le Dieu qui a la Bible, qui a envoyé Mohamed? Si c'est Dieu même qui a envoyé Mohamed. Moi aussi, c'est Dieu qui a envoyé Mohamed, parce que Dieu est capable de tout. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais hein, ce que je suis, moi, je sais que vraiment, le vrai salut, là, c'est en Jésus. Mohamed n'a pas le salut. Parce que moi, mon père était petit. Alors, le frère Diarra, on ne t'entend plus. Comment je suis musulman, si je meurs, il dit oui, c'est comme ça, on ne sait pas. Il faut faire beaucoup de bien. Tous les musulmans. Il y a quelques interruptions avec la connexion de Frère Diarra là. Le Frère Diarra, tu nous entends? Moi? Tu nous entends, le Frère Diarra? Je t'entends bien. Ok, maintenant tu t'en as dit quelque chose, on n'a pas entendu. Il a dit, côté, moi, quand j'étais petit, j'ai demandé à mes parents, autant musulmans, si on meurt comme ça, là, on va où? Paradis ou c'est l'enfer? Les parents me disaient qu'ils ne savent pas. Mais ce que tu peux faire, il faut faire beaucoup de bien, tu peux avoir paradis. Parce qu'eux-mêmes disent même que même le prophète là-bas, ils vont le juger. Oui? Eux-mêmes disent que même le prophète là-bas s'expliquer. Voilà. C'est que chez les musulmans, et tout ce côté-là, ça les fait peur. Même un musulman qui connaît le Coran jusqu'à fini, il s'assoit devant souvent. Il sait que c'est pas le salut n'est pas comme on appelle à Mohamed. Le salut, c'est en Jésus. Mais ces côtés, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas s'ils sont aveugles là-bas ou soit ils croient, ils ne veulent pas accepter, ils ne savent pas. Tous les musulmans, si tu vois un musulman même fuit la musulman, c'est qu'il a compris que le salut n'est pas à ce qu'on appelle à Mohamed. Il n'y a pas. C'est en Jésus. De la manière, il parle, tu marches comme lui, tu fais tes trucs comme lui, tu peux avoir vraiment paradis. Mais comment on appelle les musulmans, on te dit, ah, on ne sait pas. Justement. Ils vont te parler, tes papas même ne vont jamais te dire que ouais, si tu meurs, tu vas aller directement au paradis. Il faut préciser que le Coran dit de façon claire et directe que tous les musulmans vont passer par l'enfer, par le feu de l'enfer. Ils vont goûter à l'enfer, tous sans exception. Donc Mohamed sera en enfer, tous. Donc si quelqu'un nous écoute maintenant et qu'il est musulman, qu'il sache que le Coran le prépare pour l'enfer. Parce que c'est écrit littéralement là-bas que toute âme goûtera là-bas. Ils vont le faire passer là-bas, le faire passer là-bas. Donc chacun va entrer dans l'enfer. C'est ce que le Coran dit dans le Surat 5, n'est-ce pas? Donc si les musulmans sont là-bas, qu'ils sachent qu'ils sont en train de le préparer comme ça, même s'ils restent à l'âme ou à, ils font comme ça pour aller en enfer quand même. Mais le frère Diarra, peut-être poser une autre question, une dernière question, comme il est presque minuit. Oui. Et depuis ta marche dans le Seigneur Jésus, quelles sont les choses que tu as expérimentées que tu peux vraiment témoigner aux musulmans que non, Jésus-Christ est vivant? Ouais, moi j'ai témoigné beaucoup de choses, beaucoup. C'est beaucoup. Ça, parce que je ne peux pas me rappeler de tout un coup, tu vois, non. Moi je me rappelle quand j'ai donné ma vie en Jésus, j'ai eu beaucoup de combats. Que moi-même, souvent même en rêve même, je vois vraiment les choses. Que moi-même, je m'assois et dis, ouais, sans Jésus, c'est pas mon médicament depuis au moins là-bas et ça, je suis petit. C'est pas les grilles comme là-bas et ça qui me sauve, c'est faux. C'est Dieu. Et j'ai eu des accidents même où on devrait même, on m'a opéré de l'accident. En ce moment, je ne pensais même pas Jésus, hein, mais il était dans l'hôpital. J'ai vu Jésus, je me suis trouvé dans une église. Je me suis levé en tant musulman. Il dit, mais comment quelqu'un qui est musulman, il est sur l'hôpital, il rêve de se voir à l'église. Au lieu d'aller à la mosquée plutôt. Voilà, tu vois. Au plus, c'était à Abidjan, il y a eu cet accident-là. Accident-là, ils m'ont laissé. C'est un docteur qui est venu matin, il est venu me trouver. Il dit, ce gars-là, il faut qu'on l'opère. Parce que son état doit être grave. Mon ventre est devenu comme femme enceinte. Maintenant, le docteur... Oui, mon ventre est devenu comme femme enceinte. Quand le docteur est venu me prendre, moi, je n'étais pas au courant de quelque chose. Ils m'ont opéré tout. C'est un jour, il vient lui seul la nuit, il vient s'asseoir au bord de mon lit. Monsieur Kera, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous avez fait le truc? Il dit, oui, on va te donner à manger. Mais monsieur Kera, j'ai une question à vous poser. Il dit, oui, docteur, je vous écoute. Moi, je n'ai pas fait la médecine. Il me dit, mais tu sais que l'homme contient 7 litres de sang? Moi, j'ai remis ma tête seulement. Il dit, mais toi, tu as perdu les 7 litres de sang, mais comment fait que tu vis? Donc, ça veut dire que l'accident que tu as fait, ça a fait évacuer tout ton sang de ton corps était fini. Voilà. Là, c'est selon ce qu'il m'a dit. C'est resté dans ma tête du corps aujourd'hui. Il m'a dit, monsieur Gérard, vous savez, parce que tu sais que le docteur, il se promet à les stagiaires dans tout le chiffre pour voir. Il y a d'autres qui ont les buts, les caïs, non. Quand il a fini, il est sage, il a laissé tout, il est venu lui seul la nuit, venu s'asseoir auprès de moi. Il dit que tu vas lui expliquer comment tu n'as pas de sang et tu vis. Oui, il dit l'homme contient 7 litres de sang, monsieur Dieu. Vous avez perdu les 7 litres de sang. Mais comment fait que vous vivez? Moi, je vais répondre ça comment? tu n'étais même pas au courant que le sang était fini sur toi? Non. Mais les musulmans ne t'ont pas dit que c'est Allah qui a fait cela ou bien c'est Mohamed? Non, mais moi-même, je savais que c'est la famille même qui veut me manger. Ah, c'était un marmite de la famille, je savais. C'était déjà préparé, c'est parce qu'il vient là, mais c'est resté dehors. Non, ils avaient déjà mis ça depuis. Il savait que c'est la famille. Et après, il a vu que quelqu'un dans ma famille se confessait. Il même me disait, il parlait monsieur. Il a gêné même ce jour-là, c'était un fétiche. Il a gêné. Là, il a vu que, je sais pas, moi, il m'a dit, ah, quand tu fais, il parlait monsieur, on est un fou ici, assis dans la boue. Il dit, quand tu fais du mal à l'homme, la personne souffre. Le mal n'est pas bon. Il savait, c'était, il me parlait en esprit, moi, il savait. Et puis, ce qui est bizarre, avec mon accident, il y avait une foi que je n'ai jamais vue. Il y avait une foi à moi. Même je suis venu dans la cour, j'ai témoigné, j'ai dit, je ne comprends pas. Ils sont venus me voir, on dit, mais tu n'avais pas peur? J'ai dit, mais je sais pas ce que vous appelez la peur. Quand j'ai eu mon accident, il y a une foi qui est en moi, tu ne peux pas savoir. C'est là maintenant, quand j'ai donné ma vie ici, j'ai dit, ah, c'est que le chef était déjà enlevé il y a longtemps. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est pourquoi je te dis, personne ne peut me blaguer de laisser ce Jésus-là. Amen. Pour moi, ce n'est pas pour dire que quelqu'un est venu, viens, tiens, ton pied va devenir blanc, ouais, prends ta chemise, va devenir rouge, fais les miracles. Non. Moi, j'ai vécu des choses avec Dieu. Je ne peux pas mentir. J'ai vécu tout dernièrement, en 2017, je suis sorti d'un truc encore. Je sais que c'est lui qui m'a sauvé. Et je suis en train de dormir. Ils sont venus creuser ton devant moi. On dit, je dois rentrer dans ton là. Il y a une dame qui était là, elle est vieille aussi en son. Elle a commencé à prier en langue. Papa, ils m'ont chassé. On dit non, c'est pas la peine. Il a dit non, ce Dieu-là, j'ai intérêt de m'accrocher, on dirait en panier. C'est quoi? En panier, c'est quoi? Il y a une oiseau sur nous là-bas. Frère, connaît, il connaît. Explique-nous. Quand il s'accroche ici, là, il laisse pas. La chauve-souris. La chauve-souris, voilà. Chauve-souris. C'est que mon Dieu, là, il m'a mis pas à ça, papa. Il peut tout faire, il peut tout faire avec quelqu'un, mais si tu t'as mis à ça, non. Notre amitié peut finir. Dis-nous, pendant ton opération à l'hôpital et pendant ton accident, tu as dit que tu étais vu dans une église. Qu'est-ce que s'est passé dans cette église, particulièrement, quand tu t'es vu là-bas? C'est une grande église. C'est une grande église. J'ai vu, il y a quelqu'un qui était en tout bloc fort là-bas. On n'a même pas parlé. Après, il me suis levé comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Je suis allé m'asseoir au balcon. Mais c'est quoi ça là? Un musulman va aller. Après, il me dit, bon, frère, c'est le truc que tu as réfléchi. Et puis, c'est venu comme ça. Paf. Mais c'est resté le rêve, resté dans ma tête. C'est quand j'ai vu, j'ai donné ma vie en Dieu ici. Et puis, encore, le Dieu devait aller à l'église. Il y a une voix qui sonne dans ma maison. Il ne faut pas aller à l'église. Et puis, la voix là, c'est comme si j'ai un peu. C'est une voix vraiment qui peut te faire, tu restes tranquille, quoi. Une voix imposante. Une voix autoritaire. Voilà, autoritaire, voilà, comme tu dis. Ne va pas à l'église. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça là? Il n'y a personne dans ma maison, je suis sûr. C'est quoi ça là? Il dit, ça, c'est pas voix de quelque chose qui est bon. Mais tu as désobéi à cette voix là, tu n'avais pas peur? Non, il n'a pas eu peur parce que d'abord, même moi, je suis quelqu'un même là. Je marche beaucoup, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, voilà. Moi, je crois en Dieu. Parce que la majorité de mes trucs, c'est Dieu. Moi, c'est tout, c'est Dieu. Voilà, moi, je crois en Dieu. Même quand j'ai donné ma vie en Jésus, avant d'associer de Jésus même à Dieu, c'était difficile pour moi. Dans mon cas, c'était un combat. Ouais, j'ai dit non, Dieu le Dieu vit, il séparait toujours. Voilà, quand je parle, je dis Allah, il dit Dieu. Maintenant, quand on me dit non, dis à Jésus, je peux écouter la personne, mais quand je suis sur les prix, je me dis Jésus, là, il dit non, dans ma tête, Jésus, c'est l'homme. Dieu. Tu vois, ça après, petit à petit, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à comprendre. Après, même, je me suis dit, Jésus, pardonne-moi beaucoup. Apprends-moi. Enseigne-moi. J'ai besoin de ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Allez, Diara. Et depuis que tu en es d'écouter les enseignements sur Bamba Eba, est-ce que tu en es de grandir? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Oui, ça m'a envoyé vraiment l'esprit un peu loin, quoi. Ça m'a beaucoup nourri et j'apprends toujours, j'écoute encore. Vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment. Écoutez, j'ai fui d'abord. Il est fermé. Ouais, c'était trop fort pour moi. Il dit, mais comment quelqu'un peut connaître la Bible comme ça? Papa, il donne comme ça. Il dit, il m'envoie chez qui là? Il est fermé, il est laissé tomber. Quand il m'appelle, il dit, mais t'as écouté? Oui, écoutez. Là, je lui étais là en poste, je suis venu. Il dit, il va oublier ma encore. Il dit, il donne-moi le truc. Il dit, mais tu n'écoutes pas. Il dit, oui, j'écoute. Il m'a donné encore. Quand j'ai écouté, il a fermé encore. Il dit, ah. Tu écoutais quoi? J'ai écouté l'enseignement. Il y a un premier enseignement, mais on dirait que c'était une femme qui lisait la Bible. Mm. Tu disais à la femme, elle parlait, puis tu donnais les explications. On dirait que c'était à peu près. C'était dans une salle avec eux, ou soit c'était en Belgique, ou soit au Gabon, je ne sais pas. Mm. Quand j'ai écouté, il dit, mais non, mais le gars, il parle. Après, quand j'ai causé, il m'a dit, mais je t'ai dit, accroche-toi. Le gars, il est tu sais que moi, je suis beaucoup, beaucoup bizarre. Mm. Avant même de donner, même j'ai testé, j'ai demandé à Seigneur. Seigneur m'a dit que c'est lui-là. Mm. C'est que moi-même, après, quand j'ai pris le goût là, mm. il m'a dit d'appeler les gens. Il dit, moi, je vais cacher ça pour moi. Il va commencer à dire, il faut arrêter de commoder là. Hein, tout le monde a besoin. Comment ça, tu vas cacher ça pour toi? Il dit, non, il ne regarde pas. Moi, il veut cacher d'abord pour moi, celui-là. Il m'a commencé à se dire, il faut arrêter de commoder là. Ouvre ça, tout le monde va écouter. Appelle les gens, ils vont écouter. Mm. Et il dit, non. Moi, j'ai découvert, non, il faut que moi, j'écoute bien d'abord pour grandir. Mm. Quand il m'a dit ça, il dit, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un qui a besoin, il veut donner nos contacts. Mm. Après, on a commencé à parler d'autres choses. Bon, depuis ce jour-là, à un moment, j'ai dit à lui, vraiment, j'ai tant. Il dit, non, ça, c'est un petit problème. Il dit dans mon cœur, mais comment il veut dire, c'est un petit problème. Mm. Il dit, non, ça, le gars a fait les trucs comme ça. Après, il a commencé à écouter. Il dit, ah, Dieu, tu es vraiment frère. Il me rappelle le jour où tu m'as dit, voilà trois enseignements, il faut écouter. Mmh. Mais j'ai vomi du sang ici. Ça s'est passé comment? Explique-nous. Parce que le jour-là, quand tu m'as dit d'écouter, j'ai écouté, j'ai prié. Mmh. J'ai commencé à pousser, puis là, tout le monde, je ne pouvais plus même me contrôler. Mmh. Tu vois? C'était les enseignements, les liens des enseignements qui t'avaient dit, c'est les prières. Pendant qu'on va prier, il faut prier avec. Parce que même Belgique, mm-hmm. même si la mer de Dieu n'est pas pour vous toucher. Oui. Italie, tu disais, même si vous êtes où, ça vous touche. Mm. Après, moi-même, je ne te voyais plus. Je voyais la voix là vraiment tellement puissante. Il dit, non. Ça, c'est une voix qui fait ses effets vraiment. Mm. Et je suis allé en genoux, mon ventre, il commence à toucher. Il voit le sang sort. Il dit, ouais. C'est là, il n'y a plus photo. Il dit, non, ça, tu ne vas pas les jeter comme ça. Il faut prendre photo quand même pour les montrer. Mm. Quand il dit à Yves, non, il faut m'envoyer, il veut voir d'abord. Mm. Il envoie. Après, maintenant, vous le montrer. Mm. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, n'est-ce pas, mon frère? Même. Et tu as vu comment il a été nettoyé, n'est-ce pas? Moi-même, je vois. Mm. Normalement, même si ce n'est pas Dieu, moi-même, je ne l'ai pas vu. Non, mais c'est ça. Mm. Je ne l'ai pas vu. Mm. Alors, c'est pour vous dire vraiment, chacun s'accroche, quoi. Mm. Je sais que c'est pas facile parce que dès que tu choisis Jésus, c'est comme tu as choisi le combat. Mmh. Voilà. Quand tu es chez les musulmans, il n'y a pas de problème. Tout est bien. Mais dès que tu dis, je donne ma vie en Jésus, dès que tu as dit à le diable, viens, on fait bala. Tous les esprits là se lèvent. Même s'ils dorment, ils vont se lever. Même s'ils sont morts, ils vont se réveiller. Contre toi. C'est pas petit affaire. Mais il y a les gens qui ont dit, ils disent, maman, je ne comprends pas. J'étais là, il n'y avait pas de problème. Depuis, il a donné ma vie à Jésus, là, il y a des problèmes. Mm. Il y a des gens qui reculent. Hein. Mm. Ah, pourtant, là même, tu vas maintenant dans tout le monde. Mm. Donc, malgré qu'il y a le combat, il y a les esprits, il faut tenir ferme et continuer. Voilà. Mm. Parce que d'abord, même si tu as la foi en lui, tu sais que les esprits, là, c'est pour venir te barrer pour ne pas que tes visions soient loin. Mm-hmm. Parce que tout combat, il y a bonnet derrière. Mm. C'est que c'est ça, il t'embrouille pour ne pas que tu vois le bonnet qui arrive. Mm. C'est que tu crois à ton Dieu, tu les sous-estimes même qu'ils sont petits. Mm. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus qu'il n'y a pas de combat. Hein? Non, il faut oublier ça. Tu ne veux pas avoir toutes sortes de tentations. Mais accroche-toi. C'est eux qui vont fléchir les genoux après. La victoire à Jésus. Il peut te laisser dans les mains, mais le jour se lève. C'est fini. Amen. Amen. Amen. Maintenant, quand tu regardes, vas-y, mon frère, vas-y. Quand tu regardes même aujourd'hui là même, tu regardes le côté arabe là. Oui. Jésus est en train de faire un truc là-bas, c'est grave. Justement. Les gens donnent les vies grave. Mm. D'autres même, il y a un tout le monde, ils veulent le tuer. Rien, ils l'ont tué. Mm. Il sait où va aller. Amen. Justement, parlant de cela, je te pose la question. Des musulmans écoutent ton témoignage et en train de nous écouter maintenant. Mm. Il y a beaucoup qui savent que Jésus-Christ est le chemin et désirent venir. Mm. D'autres qui le savent, mais ils cachent parce qu'ils sont dans une famille musulmane, ils ont peur des persécutions. Qu'est-ce que tu peux le dire? D'autres même, c'est quoi? Dès qu'ils donnent sa vie, d'autres même d'abord, son commerce là, c'est la communauté qui lui a donné le fond du commerce. Sa maison, tu vas trouver, c'est un vieux qui lui a donné la maison. La femme, c'est un vieux qui lui a donné sa fille. C'est comme ça, tout entier. Tous les commerces, les marchandises qui vont qu'il y a dans la ville saoudite, Dubaï, son nom est là-dessus. Maintenant, l'homme comme ça, il découvre Jésus. Il va perdre tout. Voilà, il va perdre tout. Et puis, s'il ne se méfie pas, il y a les familles, même les empoisonnent. D'autres même te disent carrément, coupons sa tête, il n'y a pas péché. D'autres même, on lui laisse même dans la maison en train de dormir, le feu, pour le brûler. Ça dépend de quelle famille. Il y a les familles qui ne jouent pas avec ça. C'est que chacun a son combat dedans. Moi, j'ai regardé un témoignage tout dernièrement. Il y a un jeune musulman qui allait faire ses études au Mali. Il a fini de faire ses études là-bas. Son papa lui a soutenu. Du coup, il allait tomber, comment on appelle le Mali, il y a un coup où il y a les Touareg là. Comment on appelle ça maintenant? Tombouctou. Tombouctou, voilà. Maintenant, il allait faire son dernier truc là-bas. Le gars là est tellement riche. Lui-même, il dit la richesse de le gars là, ça vaut pour job. Il a demandé à l'ouvrier là, mais comment tu as fait pour rentrer en possession de ton truc là? Il y avait même le truc même, il va chercher ça un jour. Il y avait le témoignage même écrit. C'est un jeune, je me suis rappelé qu'on a grandi dans le même quartier. Parce qu'il parle de mon quartier. Tu vois, il parle de mon quartier, tout ça. Maintenant, le gars là lui a dit que si tu veux rentrer en possession de ces richesses-là, moi je peux te faire, tu vas rentrer en possession si tu es prêt. Mais à minuit, je viendrai te chercher, on va aller en bourse. À minuit, il est venu chercher le jeune, ils sont partis, ils ont fait un sec. Il a pris ce qu'on écrit ici, les trucs, les médicaments, là, ils font ça, l'eau noire là. Oui. Il a lavé le jeune avec ça. Il a donné à le jeune a bu. Ils ont commencé à invoquer. Tout d'un coup, il y a un vieillard qui a apparu. Bam! Le vieillard a dit que, mais qui m'a appelé? Maintenant, le vieillard dit que non, c'est le jeune là qui a besoin de toi. Maintenant, le vieillard demande, le jeune m'a appelé. Et non, ce que tu m'as donné là, le jeune veut rentrer aussi en possession de ça. Maintenant, le vieil a fait venir pays, il finit se planter dans le désert. Après, il a fait venir miroir, il finit se planter dans le désert. Il a appelé le jeune. Il dit, regarde dans le miroir là. Le jeune a regardé, il dit, tu vois qui? Il dit, je vois mon père. Voilà, il dit, prends l'épée là, pique dans le miroir là. Même soir, dans demain, tu vas entendre le décès de ton papa, puis tu rentres en possession de ton bien. Le jeune n'a pas accepté. Maintenant, le vieil a dit à le vieil, okay, mais tu m'as appelé pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais dis-toi que de toutes les manières, il ne va pas s'en sortir. Parce que moi, on ne me voit pas. Pour rien. Pour rien. Il est parti, ils sont rentrés. Le gars même était déclaré, le jeune, il a dit à le jeune de rentrer à Abidjan. Le jeune est rentré à Abidjan, il a une maladie vraiment, qu'il allait voir presque tous les grands marabouts. Il même lui dit que non, ça va te tuer. Voilà, ça seulement, ça va te tuer. Lui n'a pas expliqué, mais il dit seulement il est malade. Et il regarde, il le soigne, mais il dit ça ne peut pas. En ce moment, c'est la famille qui lui a donné femme, maison, tout. Il a grandi dans un quartier où on connaît les jeunes chrétiens aussi, ils ont grandi ensemble. Il dit un jour comme ça, il marchait. Depuis sa maladie, il a commencé, il n'a jamais eu bon sommeil. Il n'a jamais eu la paix. Il souffre dans son corps. Il dit, il a encouragé le jeune avec sa femme et il se promène pour prêcher, quoi. Et lui, on dit, mais ça va, tu es où, on te voit pas? Il dit, oui, moi, je suis là, tant. Ah, tu es où, là? Là, moi, ici. Ils sont venus chez lui, un dimanche comme ça, ils sont venus parler de la Bible à lui, tout ça. Quand ils ont parlé de la Bible, il a pris machette en même temps. Le chrétien et sa femme, ils sont sortis, mais ils ont laissé la Bible, ils ont jeté une Bible quand même dans sa maison. Il dit, tiens, même si tu veux nous tuer, à cause de la Bible, non, ça va, le jeu, tu es prêt là, tu lis. Lui, la Bible est restée dans la maison. Pendant ce temps, il souffre. Il y a une fois qu'il dit, prends la Bible, la lis quand même. Le jour, il a lu la Bible là. Il voit que, d'après lui-même, il dit, la Bible parle de que l'amour seulement. Pourtant, chez nous là-bas, et pourtant. Non, faut pas faire du mal, celui qui va te taper, faut faire ça. Et bien. Alors mon frère Diarra, tu es là? Mon frère est là. كل شعوب الأرض بتكتفت على الملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع كل شعوب الأرض بتكتفت على الملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها سن وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين مشي من حوالينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها رافعين رايات ووعد غالية مينا بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يمينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعد غالية مينا بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يمينا. Voilà, voilà, le frère Diarra, tu es là? Je suis là. Ah, bien, bienvenue encore. On a été coupé momentanément là par la connexion ici au Cameroun. Parle-nous. Nous étions au niveau de là où le monsieur a laissé le couple a laissé la Bible et puis une voix lui a dit par la suite un jour longtemps après. Maintenant, tu m'entends? Oui, c'est sûr. Maintenant, les couples sont partis. Il dit, lui, il était assis comme ça, il a pris la Bible, il a lu. Quand il a lu, ça lui est touché. Maintenant, comment il va à l'église? On le connaît au quartier, avec sa barbe, son boubou, son chapeau. Lui, il a fait semblant, il est sorti un dimanche. Il a tourné, allé trouver l'église des frères là. Il est rentré, mais il allait se cacher devant là-bas, derrière. Il dit tout ce que le gars pressait, on dirait que c'était lui-même son problème. Il dit même jour, quand ils ont fini, quand il est rentré, il dit depuis là, lui n'a jamais dormi comme ça. Il dit, il a dormi comme un bébé. Lui, il a commencé, il n'est plus allé à la mosquée. Les couples ont prié pour lui. Les parents se sont regardés que non, lui, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont venus chez lui, que, il y a une autre famille. Lui, il était assis. Il dit, non, on a constaté maintenant que tu ne viens plus à la mosquée. Tu veux quoi? Tu veux dire quoi? Tu es devenu chrétien? Lui, il n'a rien dit. Il dit, c'est la famille qui est venue. Il dit, si tu t'amuses, tu nous parles d'affaires de Jésus, là, on coupe ta tête ici. C'est nous fierté actuellement. On va le faire aussi. D'abord, la femme qu'on lui a donnée, j'ai arraché la femme d'abord. Son oncle est venu prendre la fille, il dit non, c'est fini. Maintenant, lui, il était assis, son oncle a sauté, son oncle veut le taper, son oncle est tombé tout seul. Son oncle dit que, mais attends, le col coranique qu'il allait faire là, c'est magie de ça, il m'envoie le feu. Il dit lui-même, il ne sait même pas. Son nom crie le feu. Il dit, c'est là, lui, il a compris que non, Jésus, c'est pas musulman. Lui, il a été délivré. Tout problème est fini. Mais lui, aujourd'hui, lui, avec sa famille, ce n'est plus ça. Mais lui, sans que la famille commence à comprendre que non, il est sur bon chemin. Il dit, mais ce n'était pas facile. Ils lui ont pris tout. Il fallait qu'il se débrouille comme ça. Donc, on lui a fait comme quoi que, ok, va, ton Jésus là, que lui-même, il te donne ta famille, il te donne ta nourriture. Voilà, il te donne femme, il te donne maison, il te donne tout. Parce que son papa était riche. Voilà, ils ont tout arraché, tout. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il faut que les musulmans se préparent à souffrir pour Jésus. Voilà. C'est le mot. Il y a les familles, les musulmans aussi, ils sont pas compliqués. Tu donnes ta vie en Jésus, ça les gêne pas. Voilà. Donc chacun, mais chacun a sa grâce, quoi. Voilà, chacun a sa grâce. Comme actuellement, il y a vu un jeune musulman qui est venu, un ancien aussi. Actuellement, lui, il a pris les petits musulmans à Abidjan là-bas, plein, mais il n'a pas les moyens pour les aider. Mais il cherche les associations. Il a passé même sur Facebook. Lui, les gens n'ont qu'à l'aider parce qu'actuellement, il y a beaucoup de frères musulmans dans ma main ici. Ils ont arraché leurs femmes, ils ont arraché leurs boulots, même mais ils n'ont pas. Moi, je couderai les associations, je cherche un coin pour eux, ils dorment là-bas. Il dit, c'est pas facile. Il faut que je cherche la vidéo là-même pour que je balance du regard. Oui, il faut mettre ça sur le site, le forum Belgique dans la sainteté, d'accord, mon frère? Voilà. Que le Seigneur te bénisse et merci de toute façon. Une dernière parole pour les imams, ceux qui conduisent les musulmans, même dans la prière, ainsi de suite. Parle-leur. Les imams même d'abord, même, je peux dire que quelque part, les imams, ils sont plus aveuglés encore même que ceux qui les suivent. Et puis la majorité aussi, je veux dire quoi? Si ça, je ne sais pas si je dis vrai. Parce qu'un imam même d'abord, la majorité sont déjà nourris, logés. L'imam, hein, la majorité que moi je connais dans mon quartier. Pour les autres, je ne sais pas. Ils sont pris en charge. Maison, femme, mois de carême, tout. Même les diacres qu'on fait, c'est lui qui doit prendre tout. Moi, je me demande aussi, peut-être quand lui regarde ça, et si lui va chercher encore à comprendre notre vérité, je ne sais pas. Et soit, c'est Dieu qui peut toucher. Moi-même, ancien musulman, je me connais, je suis allé chez les bouddhistes, je répète pour qu'ils entendent. Je suis allé chez les bouddhistes, je suis à la recherche de Dieu. Les bouddhistes m'ont dit qu'ils prient toutes les forces de l'univers du monde. J'ai dit, non, moi, je cherche un Dieu. Quand j'ai donné ma vie en Jésus, il y a une voix qui m'a parlé. La voix là m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. Je suis dans ma chambre. Moi, j'ai sauté d'abord, mais c'est quoi ça là? C'est Dieu ou c'est quoi? Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. C'est là quand les gens disent que j'ai entendu la voix de Dieu, moi, je ne veux pas rentrer dans le discours avec les gens. On a fait beaucoup attention, ce n'est pas toutes les voix qui sont voix de Dieu. La voix là m'a dit, il ne faut pas aller à l'église. J'ai eu peur. Après, il me dit, ah, peut-être que l'église n'est pas bon, c'est pourquoi la voix là m'a parlé. Je pourrais rester aussi comme ça, vraiment. Mais je me suis dit, non, ça, c'est pas vrai. Je suis parti à l'église, et vraiment, j'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai vu vraiment que ce Dieu-là, il existe. Le sorcier, il veut te dire aujourd'hui, si tu connais un sorcier qui est devenu chrétien, appelle-le, discute avec lui, un ancien sorcier. C'est lui qui peut parler à les musulmans. Je n'ai pas dit les vrais sorciers qui ont tué les millions de gens, ils ont donné leur vie en Jésus. Là. Oui. Ils posent lui seulement une seule question. Dis-lui, entre les musulmans et les chrétiens, les sorcelleries ont peur de qui? Si les musulmans veulent écouter vraiment, c'est le sorcier qui peut donner la différence. Nous, on ne voit pas, mais ils voient. La majorité de sorciers, quand ils disent musulmans, ils disent non, laisse les musulmans. Là-bas, on s'amuse comme on veut. Mais un enfant de Dieu, on n'arrive pas. Oui. Tu vas dire quoi? Donc, ça veut dire que quand ils sont dans la sorcellerie, ils peuvent tuer facilement les musulmans, mais pour les chrétiens, c'est pas possible. Il fait comme il veut même. Il les mange comme il veut. Il les mange comme il veut. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas tous les musulmans, je ne sais pas. Mais quand tu demandes, moi j'ai vu les témoins de sorciers, quand tu dis musulmans, il faut laisser les musulmans. Il dit un enfant de Dieu, quand il marche, il a une lumière en lui. C'est eux qui nous fatiguent. Même les grands satanistes, même quand ils donnent sa vie en Jésus, il faut voir leur témoignage. Il dit, quand on va d'ailleurs qu'on peut aller opérer, quand il y a les chrétiens là-bas, ça gâte nos antennes paraboliques, tout. C'est pourquoi on n'aime pas les chrétiens. Oui. Il dit ça. En fait, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Donc, plus on est ancré dans la parole, plus la parole nous gouverne, plus la lumière en Christ en nous rayonne. Et ça gâte la sorcellerie et même la sorcellerie des musulmans. Allez dire que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie dans cette marche-là. Et je prie que ton témoignage bénisse des musulmans et en délivre certains qui vivaient dans le mensonge. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée et que à bientôt dans Béger dans la sainteté. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Frère. Bon frère, je vous souhaite bonne soirée. Comme il fait nuit, il est minuit. Bonne soirée. On a le temps, on va se voir. Amen. Frère Ali, va. Allah, Allah, Allah.